terminer le Before Party Fun à 19h59, mixé par Miko C. Miko, tu reviendras à minuit pour Party Fun. Exactement, pour bien attaquer la semaine, juste après le Night Show. Et juste après, Love in Fun, jusqu'à 22h. Et alors, l'Italie s'est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. Ça, c'est énorme. Franchement, c'est une grosse surprise. Ouais. Ils ont éliminé l'Espagne. Ça, c'est la grosse surprise. Bah, déjà, ça fait un adversaire de moins pour l'équipe de France en finale. Ouais, c'est vrai. Enfin, ça, bien vu, Karel. C'est sévère, l'Italie. Ah, bah, je suis dans la logique, tu sais. Donc, un avis footballistique sur cet euro? Rien à battre. Mais tu sais quoi? Mais il y en a plein, justement, qui n'en ont rien à foutre de l'euro, hein, c'est vrai. Qui n'en ont rien à foutre. Ah, voilà. On va. Et tu sais quoi? On va rester là-dessus parce que je pense qu'on fera pas mieux. On fera pas mieux. On y va pour Love in Fun. Allez, c'est parti. Fun Radio. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Love in Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Et ouais, on est parti pour une nouvelle semaine de Love in Fun. La dernière avant les vacances. Ah bon? Ah ouais, après on revient. On revient quand en fait? Bah alors je sais plus. Le 22 août. 22 août? Le 22 août. Qu'est-ce qu'il y a, Doc? Non, moi je suis en vacances au mois d'août. Mais attends, Doc. Je prends des vacances maintenant. Ah bon, ça y est? Ah bah l'autre, depuis qu'il est en kiff sur Katoche, sa nouvelle meuf, ça y est, maintenant tu. Hein? Ah bah ouais. T'as prévu d'aller te marier à Las Vegas tant qu'on y est, hein? Justement, tu crois pas mieux dire oui. C'est vrai? Non, attends, arrête. T'es sérieux ou pas? Ouais, c'est l'année prochaine, oui. Ah, mais pas à Las Vegas quand même. Tout va très vite. Oh, sans déconner, Doc se fait marier par Elvis, quoi. T'imagines le truc? Je sais pas, prends des photos ou invite-nous, je sais pas, fais un truc. Ah oui, invite-nous. L'année prochaine. J'ai 2017, ouais, je vous invite. Super taf. Doc va se marier. Ok, alors moi je te dis oui tout de suite. Hein. Ah oui. Ah, franchement, sans problème. Bientôt il va nous annoncer qu'il va avoir des nouveaux enfants encore, hein, j'en suis sûr. Non, je suis au stade de la génération après. Ouais, j'en ai pas encore. Alors, celui qui n'a pas pécho à Ibiza, c'est Kassim Alaria. Eh bah oui. Eh oui. Quelle catastrophe. Si, il a oublié de le dire, il y a 3-4 mecs qui ont essayé de le pécho. ça va être un endroit. Il l'a trouvé vachement mignon. Bien, ouais, tu vois. Mais j'aurais bien voulu te voir à Ibiza en maillot de bain, tu vois, ça m'aurait fait marrer. J'avais mieux à faire. Alice est aux réseaux sociaux, bien sûr, comme tous les soirs. Ça va, Alice? Bah écoute, ça va très bien. Déjà connecté, je vous attends sur les réseaux sociaux. Donc hashtag LoveInFun ou en message privé. Voilà, vos questions, les liées à l'antenne. Avec plaisir. On accueille Ethan qui est avec nous là. Il a 17 ans, il est de Nancy. Salut Ethan. Salut les BG, ça va bien? Salut. Ça va pas mal, Ethan. T'es à Nancy 133 hein, pour nous écouter, c'est la fréquence. T'appelles pourquoi toi, Ethan? Alors moi j'appelle parce que j'ai un pote, donc Enzo, qui une fois on a traîné en soirée et tout, et il a ramené ses potes. Et il y avait une meuf qui s'appelle Caroline. Mmh. Et du coup, en fait, si tu veux, le truc c'est que quand je suis passé, enfin quand on a discuté et tout ça, je lui ai demandé donc son Facebook, on s'est échangé nos Facebook et tout. Et là, il y a quelques jours, j'ai été voir donc sur Facebook son profil et tout. Et le truc, c'est que elle avait plus de comment dire, je l'avais plus dans mes amis, quoi. Ah d'accord. Elle t'a viré. Ouais, bah ouais. Voilà, elle m'a viré. On va vérifier. J'ai pas trop compris pourquoi. Tu sais que tu peux le dire en trois mots, ça. Bah oui. Ah, mais Ethan, j'étais c'est pas sur un mec. Facebook, je me suis fait virer par une. Ah, voilà. Ethan ne sait pas résumer, Doc. Alors on résume pour toi. T'as été viré, elle veut plus te voir. Bah, on l'appelle. Ça. Elle s'appelle comment, Nancy? Non, elle s'appelle Clara. Donc tu vas trop vite. Ah, entre Clara, le trop, Nancy. Entre d'accord. Le trop et le trop peu, Doc. Non, parce que je vois Nancy de point d'intérêt. Oui. C'est bon. C'est la ville. C'est pas son prénom. Ok. On appelle. Je pense que Doc est encore un petit peu bourré hein, du week-end. Je ne bois pas de goutte d'alcool. Bien sûr. On appelle. Allô. Allô, Clara. C'est qui? Tu sais, c'est le pote à Enzo, Ethan. Ethan, comment t'as eu mon numéro la semaine que tu l'as donné? C'est Enzo qui me l'a donné parce que j'ai vu que tu m'avais plus et ben il me l'a donné parce que tu t'es plus dans mes amis Facebook et tout et je me posais des questions quoi, si c'était un bug ou je sais pas, si t'es plus dans mes amis Facebook c'était une raison, non? Donc pourquoi tu prends l'euro pour m'appeler? Bah parce que je pensais que c'était un bug et tout, tu vois, on était parti sur de bonnes bases. Non, c'est bon, c'est mort pour toi. C'est pas un bug, non, c'est moi qui t'ai supprimé. Clara, et c'est parti J'irai. Clara, oui. Bonsoir Clara. Oui. Bonsoir. C'est qui là aussi là? Je m'appelle Karel, j'aimerais bien être ton ami sur Facebook. Tu peux m'accepter, je te fais une petite demande. T'es en direct sur Fun Radio, Clara. Ah, ok. Dans Love in Fun, il y a Doc, bonsoir, Cici, Clara. Ryan, Alice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Clara? Pourquoi tu l'as viré? Il t'agace? Il est pas sympa? Il est comment? Non mais il a 17 piges, c'est un bébé, et là il m'appelle sur son radio, mais waouh, wow, c'est oui. Bon quoi, il a quel âge pour faire ça encore ton... Ah oui d'accord, et l'âge des mecs que tu, bah que oui. tu fréquentes, c'est dire. La classe quand même. Quel âge, 23, 24, 25? Entre 25 et 35. D'accord, bah, alors, ah, en oui, fait... bon, tu vois, bah voilà, tu reviens dans 10 ans. Et Ethan? Ouais. C'est bien. J'hallucine un peu ce qu'il m'appelle sur Facebook. Enfin, pourquoi tu fais la pute comme ça? Attends. Moi, j'ai une question pour toi, Clara. Pourquoi tu l'as accepté en ami pour le virer après, en fait? C'est ça la question. Mais je voulais juste dire gentil parce que tu me saoulais toute la soirée. Non, non, franchement. C'est pas comme ça. Déjà, tu vas te calmer, quoi. Franchement, mais c'est bon, là, t'as 17 ans, tu te prends pour je sais pas qui. Non, mais de toute façon, je t'ai supprimé le Facebook. Mais bah, tu m'ajoutes pas sur Facebook dans ce cas-là. Pourquoi tu fais la salope comme ça? Calmez-vous, putain, c'est les vacances! Ok? Je ne vois pas pourquoi. Ethan. Parce qu'une fille agit de façon qui ne te plaît pas, pourquoi te sens-tu obligé automatiquement de l'insulter en utilisant ce mot qui est quand même assez péjoratif? Hein, d'accord. Je sais pas, dis pas que je suis un bébé machin et tout, faut qu'elle se détende elle aussi. Hein. Bon, Ethan, je te trouve un peu dans l'agression, c'est vrai. Bon, tu veux pas trouver quelqu'un d'autre, Ethan? Bah, de toute façon, c'est mort. On va s'arrêter là, on va pas t'embêter plus longtemps, non, Clara. Ouais. Merci, Clara. On te fait des gros bisous, nous. Ouais, bah moi aussi. Hein. Et tu reviens quand tu veux. On va t'envoyer un petit pack fun parce que j'ai l'impression que tu connais pas notre émission. Un petit pack Love in Fun. C'est vrai qu'Ethan est dégoûté un peu parce que 17 ans quand même, tu vois, c'est. Bah ouais, non, mais c'est le rêve. Ah, Ethan, c'est pas grave. C'est pas grave. Et bien sûr. Ethan, c'est surtout que c'est bientôt l'été, enfin c'est déjà l'été, c'est les vacances, tu vas en faire plein de rencontres. Et là, c'est cool, c'est la belle vie, non? Ouais. Allez, mais si, ça va aller. Salut Ethan, on te fait une grosse bise et on embrasse aussi Clara. C'est cool qu'elle ait décroché quand même. Hein. Corentin est avec nous, 01 42 48 5000. C'est le numéro pour nous appeler Libre Antenne tous les soirs sur Fondu du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Et avec toi Corentin de Tarascon, on va parler de quoi? Salut Corentin. Salut Corentin. Salut Karel, salut Doc, salut tout le monde. On va parler de quoi avec toi? La sensation dans le pénis dans le vagin. Sensation pénis dans le vagin, ok. Eh ben on va parler de cette clair, sensation. Voici David Guetta et Zara Larsson, l'hymne de l'euro. We were born to fly, so let's keep living till it all falls down. Let's close our eyes and let them all. tube de ce début d'été. L'hymne de l'Euro 2016, David Guetta, avec d'ailleurs la défaite de l'Espagne face à l'Italie 2-0. L'Espagne éliminée de l'Euro 2016. C'est triste. Et oui, c'est très triste. On embrasse triste, tous nos amis qui sont originaires d'Espagne. Ah ben oui, oui. Ah ben, sur Hola que tal. Jusqu'à 22h. Love in fun. Du sexe, de l'amour et du fun sur Fun Radio. Et arrête de dégoûter les gens, Doc. C'est pas parce que t'aimes pas le foot que tu fais du poney tous les week-ends que voilà, tu vois. Ah, ce serait bien de jouer au foot avec. Oui, ce serait bien, tiens, avec des chevaux. Tu vois. Oh là là. Oh, l'autre, il va nous faire du cricket. Bientôt. On est avec Corentin qui est avec nous dans Love in Fun au 01 42 46 5000. Corentin, t'es là? Salut. Salut, Corentin. Salut. Avec tes potes, tu t'es posé une question, toi. Oui, ça fait quelle sensation de mettre un pénis dans un vagin? À ton avis? Ouais, je sais pas. Ah, c'est tout chaud. Oui, c'est chaud et c'est a priori assez agréable, quoi. Ah oui, complètement. Parce qu'en plus, c'est marrant parce que c'est fait pour. La sensation, Doc, en fait, quand on rentre un pénis dans un vagin concrètement, pourquoi est-ce que c'est si bon? Ben parce que quand tu. Alors, si tu bouges pas, tu peux avoir aucune sensation. Il faut bouger. C'est les mouvements qui font que c'est agréable. Mais c'est parce que ça frotte sur. Ça frotte doucement, gentiment, sur des poils lubrifiés, bien évidemment. Ça tire sur le clitoris, qui est essentiel. Et sur la première partie du clitoris dans le vagin. Ah oui. Voilà. Donc, tout ça, voilà, c'est agréable pour tout le monde. Et Alice, justement, pour tout le monde, Alice, pour les filles, ça fait quelle sensation d'avoir un pénis dans son vagin? Oh, c'est difficile à expliquer. Hein. Ah ouais? C'est plutôt agréable. Hein. Tu sens quelque chose, quoi. Bah oui, tu sens quelque chose, forcément. Mais aussi, ce qui est agréable, c'est la proximité, le côté peau à peau, en fait. C'est pas uniquement la pénétration. Exactement. L'idée même, c'est que effectivement, on peut pas réduire le rapport sexuel à la simple pénétration. C'est tout ce qu'il y a autour, la sensualité, le fait de ressentir plein de choses, des caresses, du plaisir, et que la pénétration fait partie d'eux. Mais attention, Doc, parce que parfois, certains vagins ne sont pas accueillants. Il peut arriver qu'il y ait une petite mycose qui traîne. Ah, tout de suite. C'est vrai. Certains pénis ne sont pas du tout recevables, ok. Donc c'est pareil. Oui, mais bon, ça c'est autre chose. Oui. Ah oui. En règle générale, Corentin, c'est quand même un kiff. Oui, c'est fait pour. Ça tombe bien, non? On a perdu Corentin. Corentin? Oui. Pourquoi tu te poses cette question? Tu te branles? Non, mais je sais pas. Enfin, si, oui, mais. Ah, tu prends la question. D'accord. Et il y a une autre question que tu te poses par rapport aux filles, parce que c'est vrai que t'as 14 ans, tu dois te demander plein de trucs. Tu veux savoir si ça leur fait pas mal. Alors, c'est une bonne question. Ouais. Si la fille n'est pas excitée, c'est pour ça que les rapports sexuels, ça doit se faire quand même avec une certaine harmonie et du temps. Bien, effectivement, ça peut lui faire mal, parce que manque d'humidification peut générer une douleur. Si la fille a une certaine appréhension, elle peut contracter ses muscles autour du vagin, et ça peut être douloureux, bien sûr. Et surtout, ne pas y aller comme un bourrin. Surtout au début, quoi. Enfin, je veux dire, la première fois et tout. Enfin, faut y aller tranquille, quoi. Ok, voilà, Corentin? Exactement. D'accord. Bon, salut, Corentin. Cet été, je compte sur toi, tu vas draguer à fond, hein. D'accord. Salut, bah, Corentin. Ah ouais, t'as déjà une meuf? Oui. Elle s'appelle comment? Léa. Léa, tu vas réfléchissais, un peu ça. Petite dédicace. Tu lui fais une petite dédicace sur Justin Timberlake? Oui. Allez, on écoutera dans un instant Justin Timberlake sur Fun Radio. Et on sera avec Déborah, 26 ans de Cannes. Salut. T'es là, Déborah? Salut. On va prendre des news de Déborah avec le tu veux ou tu veux pas qu'on avait fait avec toi. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'était passé sur Fun Radio il y a quelques semaines là? Eh ben, en fait, on avait appelé Mathieu pour lui demander qu'il arrête de me mettre des grosses claques sur les fesses pendant 1000 amours, en fait. Voilà, c'est ça. Il arrêtait pas de lui taper les fesses. Il était persuadé qu'elle aimait beaucoup. Absolument. Elle déteste ça. D'ailleurs, dites-nous si vous aimez ça, les petites claques sur les fesses. Hein. 01 42 48 5000. On va réécouter, puis on va débriefer. Qu'est-ce que ton passage en Love in Fun a changé pour toi? Et on écoutera. Justin Timberlake. Can't stop a feeling, à tout de suite dans Love in Fun. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Noémie, les moustachus ont une particularité d'après toi, laquelle? Je dis qu'ils sont plus performants au lit. J'ai la preuve à la maison. Le mien, il est moustachu et il assure comme une bête. Ouais, mais alors. il assure. Mais vous avez compris pourquoi je dis ça? Non, mais on a compris, madame. Je l'aime bien, sa moustache. C'est du haut, c'est du bas aussi. Oui, non, mais on a compris. Arrêtez maintenant. Ah, la princesse, quoi. Ah, putain. Allez, Noémie, tire sur mon doigt. Bruno dans la radio. Reviens demain sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu à un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent.

Timberlake, Can't Stop the Feeling. Tu veux demander un truc, mais t'oses pas. Mais t'es un grand malade, toi. Tu veux ou tu veux pas, dans Love in Fun sur Fun Radio. On va prendre des news de Déborah. Alors Déborah, j'ai regardé ça date du 10 novembre. Elle était avec nous le 10 novembre pour faire le ça fait, ou tu ça veux fait pas. 7 mois. Tu calcules, bravo Doc, tu calcules très vite. Ouais, bien sûr. Déborah, t'es là? Oui, je suis là. Salut Déborah, salut, t'as 26 salut. Ans, t'es de Cannes. Tu nous avais appelé le 10 novembre et on voulait prendre des nouvelles de toi là un petit peu ce soir. Tu nous avais appelé pourquoi, rappelle-nous, le 10 novembre. Eh ben en fait, j'avais appelé parce que mon chéri Mathieu me mettait des grosses claques sur les fesses pendant qu'on faisait l'amour. Et je lui avais demandé qu'il se calme un petit peu. Voilà, en levrette, évidemment. En levrette. Ah ben oui. Mais attends, qu'à faire. Et il t'insultait aussi en même temps. Doucement, doucement, Doc. Attends, on va réécouter. On va réécouter. Ah oui, parce qu'il me souvient, il me semble bien qu'il l'insultait aussi. Ah, il te disait des petits mots. Des petits mots salages. Voilà, voilà. Il y allait aussi à petits coups ça de. Ça s'appelle des insultes. Voilà, c'est ça. Mais après, on peut aimer ou ne pas aimer. Hein. On aura l'occasion d'en parler après. Vrai. D'abord, on réécoute et juste derrière, on débrief. Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous allez tout savoir. Bien sûr, mais. Bon, ben voilà. Quand elle est toute petite. Allô? Bonjour, mon chéri. Oh, Nounoun. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bah ouais, écoute, je t'appelle parce que j'ai un truc à te demander. C'est un peu délicat. J'espère que tu vas pas le prendre mal. Je voulais savoir, voilà, si tu mets beaucoup de fessées pendant l'amour et je voulais savoir si tu veux, tu peux pas arrêter d'en mettre un peu parce que franchement, ça fait mal quand même. Tu vas pas de main morte. Ouais, ça te prend comme ça. Bah ouais, ça te prend comme ça. Tu m'appelles, si j'ai ma soeur, tu m'appelles, tu mets moins de fessées. Bon, tu dis pas ça d'habitude. Hein. Ouais, mais tu me fais mal quand même, c'est tout le temps, quoi. Donc si tu pouvais voilà. Ah, tout le temps, pas tout le temps, quand je suis en missionnaire, je le fais pas. Oui, mais bon. J'ai pas accès aux fesses. Voilà, dès que j'ai le postérieur, bon je sais que t'aimes bien mes fesses, mais bon dès que j'ai le postérieur accessible, je m'en prends une, quoi. Puis bon, t'as quand même un peu de force quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, yo. Voilà mon chéri, tu veux pas arrêter de mettre des fesses. Arrêtez, je veux bien diminuer, mais un petit peu. Tiens, prends ça. Un petit peu. C'est qui? T'aimes ça? C'est quoi ce bruit? Ah, plus fort. Nounoun? Oh. Oui, chérie. C'est quoi ce truc derrière? Oh, vas-y, Déborah, vas-y, fouette-moi. Je suis ta chienne. Mais t'es avec Mickaël ou quoi? Avec qui? Putain, salope. T'es avec Mickaël? T'es en train de taper un délire? Non, c'est pas Mickaël. C'est non. Qui? C'est Karel. Excuse-moi, je sors d'une... Oh putain, m'as mis sur Fun Radio. Ah bah oui. Bah bienvenue Mathieu. Oh. Eh ben voilà où mène la salut, fessée. Salut Karel. Bah voilà où mène la fessée, t'es dans Love in Fun, mon grand. Oh, oui. Ah bah oui, c'est comme ça. Mathieu, mais elle a mal? Bah ça fait mal, ouais. Bah ça fait mal. Bah j'ai les mains dures. Non, mais t'as les mains dures, mais est-ce que toi, tu as l'impression que tu lui donnes du plaisir? Bah... Ou c'est pour toi tout seul? C'est pas l'inverse, en fait. C'est non, mais... pour ça. Donc, Alors tu veux dire que ça t'excite terriblement de lui donner une fessée? Bah oui, moi ça m'excite, moi. Et est-ce qu'on pourrait pas imaginer un petit jeu tous les deux? C'est-à-dire que quand Mathieu, tu mets une fessée à Déborah, elle a le droit de te mettre une grosse fessée aussi. Ouais, pas moi, je demande que ça, moi. Ouais, putain. Oh merde. Ou un coup de poing dans la figure. Là. Ou un coup de poing dans la gueule, qui, alors. À ce non, un peu moins. Une claque, juste. Non, mais. Ou alors, elle te tord le sexe. Non mais Doc, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, je vais te faire comprendre. C'est malade. Je veux juste te faire comprendre que ça lui fait mal et te faire quelque chose, pas qui t'excite, mais qui te fait mal. Tu comprends? Ouais, je comprends. Si elle a mal, elle a mal. Si elle a mal, elle me le dit. Ah bah elle te le dit. Elle te le dit. Bon alors, Mathieu. Mathieu, tu veux ou tu veux pas? Bah bien sûr je veux. Voilà, bravo Mathieu. Un peu d'amour quand même. Mais quand même un petit peu de temps en temps. Ouais, ok. Et on est de retour avec Déborah. Un petit peu de temps en temps. Quelques mois plus tard. Est-ce que t'es toujours avec lui, Déborah? Oui, toujours. Ah, bon, alors... Combien de fessées par semaine, maintenant? Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'au départ, il s'est calmé, en fait. Il n'osait plus. Bon, il me chopait les cheveux, mais bon, c'est... Voilà. Ah, il tient sur les cheveux, maintenant. Voilà, mais il s'était calmé, mais je le sentais frustré, en fait. Donc, on fait l'amour à deux, il faut que tous les deux prennent son pied. Donc, du coup, on en a discuté, et puis je lui ai dit, mais je te sens un peu frustré de pas me mettre des fessées. Il me dit, ouais, c'est vrai que ça me manque. Puis finalement, c'était pas... Voilà, c'est un petit côté excitant, un petit peu bestial et tout. Bon, je lui dis, écoute, on fait un truc, il n'y a pas de souci, mais tu vas plus délicatement, quoi. Oui, éviter que j'ai des bleus sur les fesses le lendemain. Donc voilà, donc maintenant, il contrôle un peu sa force. Donc ta vie a changé grâce à nous. Voilà, t'as toujours autant de fessées. Ouais, oui, mais il est plus... Sûr. Il y va, voilà, il retient un peu ses coups quand même, parce que bon, il a... Non, mais c'est ça le problème. Le problème, donc, c'est pas d'avoir des fessées. Est-ce que parfois, il ne retient pas ses coups quand même? Non, par contre, maintenant, il fait très attention, quoi. Mais de temps en temps, il me demande, il fait, bon, ça va, je ne suis pas allé trop fort, voilà. Il a un chéri qui est attentionné, donc bon. Ah, tu vois, Doc, il s'est amélioré en plus. Ouais. On le félicite et continuez d'être heureux tous les deux. Vous allez passer un bel été, là. On te fait des gros bisous, Déborah. Gros bisous, salut Déborah. des bonnes vacances, soirée. Merci, c'est gentil. Oui, des bonnes vacances bientôt. Bah oui, bien sûr. À bientôt. Allez, à plus bientôt. Tard. Salut. Au revoir Déborah. Et on a Joseph qui est avec nous, 13 ans du Mans. Bonsoir Joseph. Salut Joseph. Salut. Ça va Joseph? Ça va? Est-ce que t'es en vacances là, Joseph? Depuis presque une semaine. Bah ouais, tranquille. Une semaine de vacances, qu'est-ce que t'en fais de tes vacances, Joseph? Je joue aux jeux vidéo. Et tu joues à quoi là en ce moment? Beaucoup à GTA. D'accord, et t'appelles pourquoi, Joseph? Parce qu'en fait, je voudrais savoir comment faire pour perdre mes poignées d'amour. Pour? Perdre des poignées d'amour. D'accord, tu bouges pas, on va se faire une petite séance là, et voici Souf, mais à coup de pas sur Fun Radio. Elle me dit qu'elle veut tout lâcher, même pas eu le temps de lui expliquer, c'est plus la peine de continuer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Je lui dis qu'elle m'a fatigué. C'est à cause d'elle que je vais tout lâcher. Je sais pas comment lui expliquer. Un jour je finirai par me barrer. Mais c'est le temps qui court, court, court, court, court. Mais c'est le temps qui court. Pour tout ce mal, je suis désolé. Encore une fois, j'ai tout gâché. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court. Mais c'est le temps qui court. C'est le temps qui court, mais à coup pas. Avouez. à demi-mot pardonner, tous tes défauts avoués, à demi-mot pardonner. Mais c'est le temps qui court, et c'est le temps qui court. Mea culpa. Mea culpa. Souf sur Fun Radio, mea culpa. 20h, 22h. Du défi, fallait pas demander le chiffre d'Alice dans pas longtemps. Il y aura aussi ce que veulent les filles. Bienvenue sur Fun Radio, c'est Love in Fun, hein, tous les soirs, du dimanche au jeudi, 20h-22h. Le numéro de téléphone 01 42 48 5000 pour passer sur l'antenne, c'est gratuit en plus. Et on lit vos messages sur les réseaux sociaux qui sont arrivés là, Alice. On a reçu un message de Manon qui veut savoir comment assumer son corps. Ah, quel âge? Eh ben écoute, je sais pas exactement quel âge elle a. Il me semble qu'elle a entre 16 et 18 ans. Elle est assez jeune. Ben voilà, c'est l'adolescence, mais je pense que c'est très important. Ça concerne beaucoup d'adolescents. Cette difficulté à accepter son corps et en général une focalisation sur des détails physiques qui n'ont rien de dramatique. Des petits complexes, quoi. Des complexes qui. Vraiment, une vraie focalisation. Donc, après, il faut voir à quelle mesure la personnalité est vraiment perturbée. Je peux pas dire comme ça, il faut qu'elle nous parle. Ah, appelle-nous alors. Et un autre message de Léo, pourquoi les chats retombent toujours sur leurs pattes? Ah ouais, putain. Équilibre, ils ont quelque chose dans le cerveau qui les remet en équilibre tout de suite. D'accord. C'est fou, ça. Parce que même quand on les jette, enfin je jette pas des chats, hein, mais en général, même quand ils ont pas prévu de tomber, foup, hop, non? C'est toi, Alice, qui jette les chats par la fenêtre? Non, moi je les recueille. Ah, bien sûr. En même temps, quand t'as des gens qui font des sauts, des plongeons très haut, ils avaient à s'orienter dans l'espace. Hein. Oui, mais bon, en général, quand nous on retombe sur notre patte, on appelle même amorti en fait. Hein. Nous on se les casse, quoi. Ah, eux ils ont des amortisseurs. C'est juste ça la différence. Oui. Ça peut, genre, d'un immeuble de 5 étages, le chat il tombe. Non, ne faites pas ça chez vous. Ah, bah, allez. Moi, ça m'est arrivé. Oh, curé, il a dit que ça je pouvais jeter pépette. C'est vrai, ça t'est arrivé. Ça m'est arrivé, il y en a deux qui sont morts comme ça. Ah ouais? Oh mon dieu, non. Ils sont exposés au sol. Ok, mais. Oh, bah, c'est voilà. Horrible. Voilà, je viens de fabriquer un moment sympa. Ah, oh, c'est immonde. Merci, Doc. Ah, tu poses la question, je te réponds. Oui, bah merci. Joseph, 13 ans du Mans, est avec nous. Bonsoir, Joseph. Salut. Salut Joseph. On parlait de complexe justement. Tu vas nous en parler là un petit peu là, Joseph. Raconte-nous. Bah en fait, moi tu vois, j'ai un peu des poignées d'amour. Ouais. Et du coup, bah, quand je suis en maillot de bain et tout, ça dépasse un peu. Ouais. D'accord. Et du coup, je voulais savoir comment faire pour les perdre. Bien sûr. Bah, tu vas donner quelques détails, s'il te plaît. Tu as 13 ans. Tu mesures combien? Tu pèses combien à peu près? Je fais 1m50, je pèse 40 kilos. Et donc, tu n'as pas vraiment de signe de puberté, ou en tout cas, quelques petits poils et testicules qui... Ouais, quelques petits poils, voilà. Alors, tu as une petite obésité prépubertaire. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant la puberté, l'organisme a tendance à emmagasiner de la graisse et à faire donc une réserve de graisse qui est disgracieuse. Je suis tout à fait d'accord. Mmh. En revanche, avec la poussée pubertaire, la poussée de croissance, qui est vraiment au niveau squelettique, mais au niveau musculaire, ces graisses disparaissent, sauf cas extrême d'obésité. Tu m'as dit combien? 1m50 et combien de kilos? 40. Ouais, t'es complètement normal, ça va disparaître. Et sinon, pour les poignées d'amour, tu t'enroules un petit peu de cellophane, là, pour l'été. Hein, tu remontes un peu le maillot de bain, et puis ça, voilà. Tu mets une gaine, nickel. Les garçons un petit peu enveloppés, les filles aiment bien parfois. Ouais, aussi, c'est vrai, pour se reposer sur leur ventre, par exemple. Hein, Ryan, standard, toi, qui a, on va dire... non, mais j'ai rien dit encore. Il a des réserves. Il a des... Voilà, quelques réserves. Les filles aiment bien se poser sur ton ventre, je suis sûr. Ah oui, mais en plus, ça peut faire du trampoline, c'est sympa. Enfin. Voilà, tu vois, il y a des activités. Hein, c'est comme au Futuroscope, tu vois, tu peux t'éclater, quoi. Hein, Joseph? Faut prendre la vie du bon côté, mon pote. Ça va passer au moment de la puberté, lorsque ta croissance va s'accélérer, d'accord? Ok. Salut, mon Joseph. Salut. Tu as bonnes vacances à toi, Joseph. Ouais, on a... merci, vous aussi. Et merci à toi. On a Pauline. Pauline, 17 ans, Damien. Salut, Pauline. Bonsoir, Pauline. Salut, tout le monde. Comment ça va, Pauline? Ça va très bien, vous? Bah super, t'es en vacances toi aussi, Pauline, ou pas? Non, je suis en stage, je travaille cet été. D'accord, ok. Alors tu nous appelles pourquoi, Pauline? Ben, pour savoir si l'implant peut jouer sur la libido. L'implant, en fait, on lui a mis un implant, c'est un petit bâtonnet qu'on met sous la peau, qui donne des progestatifs à faible dose, qui permet d'avoir une contraception. C'est une pilule, en fait, sous la peau, quoi. C'est une pilule qui, pendant dure un an au moins, et qui permet de donner dans l'organisme une petite dose régulière, tout à fait régulière, d'hormones pour effectivement éviter la fécondation. J'ai touché celle de Cécile au standard. Ouais. Ça fait bizarre, ça fait un petit bâtonnet, quoi, c'est vrai. C'est un bâtonnet, d'ailleurs. Ouais. Il faut pas le casser, c'est possible. D'accord. Donc Pauline, pour répondre à ta libido, question... a priori l'absence de règles, oui, ça peut arriver. C'est à revoir avec ton gynéco. S'il y a un problème avec l'implant, il est possible aussi de l'enlever, de utiliser une autre contraception. D'accord, ça peut être ça, Pauline. Pauline, tu pèses combien, toi? 80 kilos. Oui, et pour quelle taille? 1m55. D'accord. Et ça te pose un problème? Est-ce que ça te pose un problème? Pauline? Ah, Pauline, écoute, je ne sais pas si ça lui pose... Ah, t'es là, Pauline? Oui, oui, je suis là. On t'entend très mal, ma chérie. Pardon, est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que tu ne te sens pas bien dans ta peau? Au contraire, tout va bien. L'implant? Non, je te parle de ton poids et de ta taille. Ah, ça me pose problème, mais il y a 5 ans, c'est un régime, j'ai déjà perdu 6 kilos, donc ça va. Très bien, mais c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, et puis revoir après avec le gynéco, dans quelle mesure on peut changer éventuellement la contraception, d'accord? Oui. À plus tard. Mais le problème, c'est vu que je suis mineure, ma mère, elle veut pas. Elle veut pas quoi? Ben, que j'enlève l'implant, parce que, bon, disons, avec mon copain, ça fait un an que je l'ai, mais bon, j'ai plus trop envie de faire kékette. Ah, elle veut plus faire kékette. Peut-être tu sais ça, il y a peut-être d'autres facteurs. Quand on a une baisse de libido, ça va dans ta vie à l'école, tout ça? Comment ça? Oui, toujours ouais, envie de tout faire va bien. Ok. Bon, voilà. Pourquoi tu as une baisse de libido? C'est intéressant. Il faudrait déjà un examen clinique complet, voir pourquoi tu as un excès de poids. Et puis, il y a beaucoup de choses à analyser. On ne peut pas te répondre comme ça à froid. Bah oui, Pauline. Et comment va ton copain? Parce que du coup, s'il n'y a plus kékette, t'es dégoûté, non? Bah, en fait, lui, ça va parce qu'on fait quand même. Moi, je ne prends pas de plaisir, en fait. Ah, c'est-à-dire que vous faites quoi, en fait? Il couche avec. On fait kékette. Puis... on fait kékette, mais toi, kékette. Ah, mais d'accord. Il a un orgasme, il se barre. Bah, c'est bien le mec, il pense casser la gueule, quoi, sans déconner, Pauline. On peut oublier, mais bon. Moi, attends, justement, ça, c'est intéressant. Attends. Comment il fait? Parce qu'il y a des mecs qui sont quand même un peu bourrins. Est-ce qu'il a tendance à pénétrer assez vite et puis à s'agiter? On va dire des choses comme ça. Oui, mais c'est après parce que moi aussi je veux que ça aille vite parce que moi j'ai pas très envie. Donc ah oui, d'accord. Mais alors il faut recommencer le début par le début. Et oui. Déjà, susciter le désir, ça nécessite quand même un certain tact, de la patience, des gestes érotiques, enfin des choses comme ça. Tu vois, si tu deviens un dévidoir. Ouais, c'est pas terrible. Ben oui, vaut mieux pas le faire. Hein, Pauline? Oui. Tu es la maîtresse de ton corps. Parce Pauline. Que c'est pas très excitant pour une fille d'avoir un mec qui n'en a rien à faire, se les vide, on va dire les choses comme ça, non? T'es pas un objet sexuel, Pauline. T'as le droit de dire non, t'as le droit de dire que t'as pas envie, quoi. Un mec, il est pas là pour te pénétrer et jouir en toi, quoi. Sinon, ouais, mais bon. Il a ses sa main. Mais après, si c'est pas plaisir, il va être vexé. Eh bah ouais, non mais c'est surtout. Il a sa main. Hein. Sans déconner déjà, ouais, t'as raison. Et puis, le coup, ouais, vas-y, si on fait pas l'amour, je te quitte, etc. On connaît c'est le plan. C'est qui t'aime quoi. Pas. C'est qui t'aime pas dans ces cas-là, Pauline. Ouais. Pense okay. à toi, surtout à toi, et va te renseigner sur ce que Doc t'a dit, d'accord? Ok. Salut, Pauline. Salut, Pauline. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Salut à toi, Pauline. J'ai l'impression qu'on a encore accompli une mission, là, Doc. On a fait comprendre un truc. Cette émission, elle sert à ça, c'est incroyable. Tony, t'es là? Oui, salut Karel, salut les salut toute l'équipe. Salut Tony, t'as 18 ans et t'es à Nantes, en Loire-Atlantique. Tu nous appelles pourquoi, Tony? En fait, je voudrais savoir pourquoi les filles n'arrivent pas à monter de mayonnaise de blanc en neige quand elles ont leurs règles. Bien sûr. Bien sûr, Tony. Ça, j'avais jamais entendu, c'est original. Ah, mais Tony, gros fumeur de cannabis dans un instant avec nous. Voici Ryle Streffy. No sé dónde vete. Se me voy por ti veo. Te vete me veo. Se me dan yo creo. Se me van. Even this is van. Done. Bet you wanna taste it. Bun. Bet you wanna taste it. Blood ride. Fille sur Fun Radio. Du sexe, de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs. Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. On est tous les soirs en direct sur Fun Radio et sur le site de Fun d'ailleurs. Vous pouvez mater l'émission, hein, voir un petit peu ce qui se passe ici dans les studios de Love in Fun. Funradio.fr, c'est le site. Et on est avec Tony. Alors Tony, t'as 18 ans et t'es de Nantes, toi. Salut Tony. Salut Tony. Salut toute l'équipe. Salut Tony. J'ai l'impression de parler à un mec qui bourrait. Tony, t'as pas bu là? Non. Parce qu'on commence à faire des petits apéros dans toute la France là, en ce moment. Là, avec, ouais, enfin, attends, c'est pas que l'été, c'est toute l'année. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais surtout l'été avec le petit barbecue, tout ça. Donc, vas-y, viens, je t'invite. C'est on bon s'en fait la gueule. Allez. Bon, alors, quelle est ta question? Vas-y. Je voudrais savoir pourquoi les filles n'arrivent pas à monter de mayonnaise ou des blancs en neige quand elles ont leurs règles. C'est une connerie ça. Mais c'est quoi? C'est une légende. C'est une légende populaire. Ben oui. Les gens de populaire stupides, elles peuvent pas faire je ne sais quoi d'autre, du vin ou autre chose comme ça. Non, non, ça, ce sont des légendes. Okay, comme quoi, alors, je vais te dire, c'est vieux comme le monde, considère qu'une femme, c'est pas ce que je pense, bien sûr, qu'une femme qui est réglée, demande ses règles, est considérée comme impure. C'est vrai dans certaines religions, et qui interdit d'ailleurs les rapports sexuels durant cette période. Mais c'est totalement faux, il n'y a aucune impureté là-dedans. C'est un cycle extrêmement naturel et sain et pur. Voilà, c'est tout. Alors, écoute, Tony, tu vois, c'est alors, des conneries. Si parce ta copine plus, Alice, a ses règles, oui. Alice, à Ibiza, elle avait ses règles. Elle nous a monté une petite mayonnaise bah, incroyable. Oui, en général, c'est ma spécialité. Bon, après, ça finit ketchup, hein, mais mayonnaise et sauce américaine. Si ta copine, si ta copine s'est pas montée une mayonnaise, ça n'a rien à voir avec les règles. Tu vois, Tony? C'est qu'elle est nulle. Ouais, exactement, avec ou sans règles. Mais il y en a plein des légendes urbaines. D'où ça vient? Par exemple, le Coca-Cola contiendrait des acides assez forts pour dissoudre une dent. Ça, c'est une connerie. C'est légende urbaine, ça. C'est quand même. Non, mais comme ça. J'avais entendu ça. Il paraît que quand t'as, par exemple, du calcaire vraiment à haute dose ou quoi que ce soit, il paraît que tu peux mettre du coca et le laisser agir et qu'il va finalement, avec l'acide, détruire tout ça. C'est vrai. Ouais, enfin, pour la dent, je pense pas quand même. Hein. Non. Ça me paraît un peu limite. Il y en a une autre aussi qui disent que les chewing-gums de la marque américaine Bubble Yum contiendraient des œufs d'araignée. Voilà, c'est dégueulasse. Bien sûr, oui, tu bouffes tes araignées. Mais ça, c'est fort c'est probable. C'est pour la viande. Légende urbaine du McDo, c'est la fameuse trace au dos du burger. C'est une petite trace blanche. Il y en a plein qui disent que c'est un truc anti-vomitif. C'est connerie, ça aussi. Bien sûr que c'est la bêtise. Bah oui, on avait même eu quelqu'un du McDo qui nous avait appelé pour nous annoncer que c'était pas vrai, quoi. Absolument, je m'en souvenais pas. Ça a pour but, là, c'est différent. C'est plus une légende urbaine, ça a pour but de déstabiliser, en tout cas, de faire en sorte que les gens consomment moins. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas très honnête. On embrasse ta chérie avec ou sans mayonnaise pour le sandwich, nous. Hein. On passera chez toi, la Tony, bientôt, d'accord? Ok. Salut, Tony. Est-ce possible d'avoir un pack Love in Fun? Bah oui, bien sûr, tu raccroches pas, on t'envoie ça, Toto. Ok, merci. Salut à toi. Cette équipe, on vous adore. Merci beaucoup, Tony. Salut, gros big up à toi. Et le chiffre d'Alice, dans un instant, tu vas nous parler de quoi ce soir, Alice? On va parler des gens qui sont prêts à changer totalement de vie pour aller suivre leur mec, leur meuf. Voilà, le boulot, la ville. Et voilà. C'est beau. De prendre des décisions en fonction de quelqu'un. N'hésitez pas à réagir à ce que vous avez tout changé. Venez nous raconter là sur Fun Radio. On attend vos témoignages. 01 42 48 5000. Les réseaux sociaux, le Facebook, le Twitter, l'Instagram, le Snapchat. Et Môme Aloha pour le son dans un instant. Fin de journée à la cool. Hein. Bien kiffant ce son. Dans 3 minutes, on vous le passe sur Fun Radio. Merci d'écouter Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. People of Tomorrow. Fun Radio vous envoie au plus grand festival. Tomorrowland. Salut, c'est David Guetta. Hey, this is Dimitri Vegas and like Mike. Rendez-vous. See you at Tomorrowland. Get your hands up.

les conditions changent. Alors lorsqu'on perd un emploi et qu'on va dans un endroit où on n'a rien ou quasiment rien, ça pose un problème. Oui. Mais en même temps, la mobilité, pour moi, en tout cas quand on est jeune, est quelque chose d'essentiel. Donc il faut savoir être mobile, c'est savoir s'adapter, c'est ce qui manque le plus dans notre société. Notamment bon, pour les seniors, ça c'est une clarté évidente en France, et puis on les conforte dans cette idée. Il ne faut pas s'adapter, mais c'est à l'État de trouver les solutions. Non, c'est une qualité, d'une façon générale, qualité humaine absolument essentielle. S'adapter à une situation, savoir changer. Après, il y a aussi eu des drames. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on nous appelle et qu'on nous dise, voilà, juste avant de partir, bah, le mec, il m'a plaqué, un truc comme ça. Venez nous raconter comment ça s'est passé, parce que tout plaquer comme ça du jour au lendemain pour quelqu'un, ça peut... Non, mais je pense qu'il faut réfléchir un peu. C'est clair. 01 42 48 5000. On a déjà Océane là, qui est avec nous au téléphone pour réagir. Bonsoir Océane. Salut Océane. Salut Karel. Salut. Allô. Océane. Oui, salut. Bah, tu nous entends bien Océane? Oui, je vous entends. Ouais. Ah bah nickel, t'as 21 ans, t'es de Paris Océane. C'est ça. Allez vas-y, on t'écoute. Est-ce que t'as déjà tout plaqué toi pour quelqu'un? Ouais, en fait l'année dernière, non en 2014, ça faisait 3 ans que j'étais avec mon copain et il est parti vivre aux États-Unis. Ouais. C'était pas une surprise parce que je le savais depuis qu'on était ensemble qu'il allait finir par partir. Oui. Et moi je devais faire une licence en France et j'ai pas pu faire ma licence et du coup ben au lieu de chercher un autre truc à faire, enfin de prendre une autre licence, de continuer mes études ou autre chose, ben j'ai tout arrêté et j'ai décidé de partir aux États-Unis donc le rejoindre. Ouais. Et partir aux États-Unis, ça c'est pas comme ça du jour au lendemain non plus, hein, parce non, que avec visa. Les visas, l'immigration et tout ça. Bien sûr. Donc ça a pris 2-3 mois avant que je puisse partir et on s'est séparés avant même que je quitte la France. Mais du coup, je suis quand même partie. Ah d'accord. Je suis quand t'es partie, même partie, t'as fait quoi là-bas? J'étais au pair en fait dans une famille américaine, donc je m'occupais des enfants. Ouais. Donc je suis pas quand même partie toute seule au final. Donc t'es partie avec qui? Je suis partie seule, mais ouais, tu pars accompagnée par une agence. D'accord. Et tu l'as pas revu étant là-bas, il s'est rien passé? Si, on s'est revus, on s'est remis ensemble quelques temps et puis on s'est de nouveau séparés et c'était pas si mal au final. Okay. Et là, t'es rentrée et t'as repris tes études? Du coup, j'étais partie en décembre 2014 et je suis rentrée l'année dernière au mois de juillet. Mmh. Et j'ai repris mes études, ouais. Et tu regrettes, du recul, est-ce que tu regrettes? Non, franchement, j'ai pas regretté une seule seconde parce que j'aurais pu tout arrêter avant même de quitter la France. Je pense que ça a été pour toi une excellente expérience. C'était génial. Juste à un moment donné, on a compris que c'était bien, mais est-ce que tu as été malheureuse en raison de son attitude? Est-ce que tu as beaucoup souffert? C'est sûr, il y a la déception, je me suis sentie trahie, mais bon, au final, limite aujourd'hui, je pourrais presque le remercier parce que j'ai vécu une aventure de ouf et puis j'ai rencontré le garçon avec qui je suis maintenant. Donc, Très bien. Tu sais pourquoi il t'a plaqué? T'es parti avec une américaine, non? Non, même pas, je crois pas, mais je pense que je me suis un peu fait manipuler pendant 3 ans depuis le début. J'aurais jamais dû partir. Tu le remercies aujourd'hui, donc ça reste une expérience cool. Clémentine, t'es là? Oui, salut. Je suis là, salut tout le monde. Salut Clémentine, t'as 20 ans, toi t'es à Nantes, est-ce que t'as tout plaqué pour un mec aussi? Tout plaqué, on peut dire ça, oui, au final. Vas-y, raconte, qu'est-ce que t'as fait? Moi, du coup, pour rester avec mon copain, enfin mon ex maintenant, j'ai dû en fait tout couper les ponts avec mon meilleur ami, et en fait pour rester tout le temps avec lui, j'ai perdu mes amis, que ce soit dans les différents lycées où j'ai été, donc au final je me suis retrouvée qu'avec lui. Mais ça c'est débile, hein, quand... Alors ça c'est autre chose, c'est pas tout plaquer, c'est s'isoler, vivre en vase clos. Bon, c'est sûr, quand on est en relation amoureuse, on peut comprendre ça. Mais en fait, il faut savoir garder quand même des amis et pouvoir communiquer. Ouais. Et il y a un truc, Doc, il y a un truc hyper important. C'est de la jalousie souvent qui mène à ça. C'est quand votre mec ou votre nana commence à vous dire que tu peux plus voir tes amis, que... C'est la jalousie. Ah ouais, non, ça c'est naze. Hein. C'est un enfermement, c'est stupide. Après, tu récupères tes potes à la petite cuillère, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a bien qui veulent te voir. Mais... Tu les récupères surtout pas. Oui. Bah ouais, donc... Oui, c'est ça le problème. Ouais, c'est que j'arriverai pas à retourner vers eux pour faire voir. Il était très jaloux, n'est-ce pas? Avant, oui. Et puis maintenant, au final, il est parti. Et en plus, il m'a trompé 2 fois à la fin de la relation. Donc voilà, au final, c'est moi qui me suis fait avoir. Ouais. Ça, c'est le mec top. Il est hyper jaloux, très très jaloux. Et en plus, il la trompe. T'es tombé sur un connard, Clémentine. On peut valider ça. Pendant 3 ans et demi, ouais, franchement, ça fait chier, quoi. Eh bien, on n'embrasse pas ce connard. Hein. Reste avec nous, Clémentine. Jessica est avec nous. Bonsoir, Jessica. Salut Jessica. Que des filles qui ont tout plaqué pour des mecs et qui se sont fait larguer derrière. J'aimerais bien l'inverse quand même. Il n'y a pas des garçons qui ont fait ça ils aussi. Ils osent pas le dire. 01 42 48 5000. Alors, Jessica, qu'est-ce que t'as fait toi? Oui. Moi aussi, j'ai tout plaqué pour mon copain. Ouais. Donc, j'habitais dans le 36. Ouais. Et dans l'Indre. Du coup, ça faisait à peine 8 mois qu'on était ensemble. Et du coup, la distance, ça nous plaisait. Alors du coup, j'ai décidé de... De le rejoindre. Voilà, mon CDI, mon travail, tout. Et alors ? Bah pour le moment ça va, je suis toujours avec lui. Tout ok, j'ai cru au drame là. J'ai tout non, plaqué. Non, pas du donc tout. Tu ne regrettes voilà. pas. Non, je ne regrette pas. Ah bah voilà. Moment, en tout cas. On a une note positive. Mais c'est vrai que dans ces situations là, faut pas se cacher la face, on prend des risques. Voilà. Mais bon, surtout quand on est jeune, parce que bon. Qu'est-ce que la vie sans risque, Doc ? Oui, c'est un plat sans épices. Absolument, voilà. Alors. Cassim à l'arrière. Ouais. Tu voulais un homme. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça un homme. Bah, si, quand même. Un jeune jouvenceau. Oui, j'ai des poils sur les couilles, donc je suis un homme. Alors, est-ce que t'as tout plaqué pour une fille ? Non, c'était l'inverse. En fait, je sortais avec une nana à distance. Elle habitait à Lyon et moi, donc, j'habite à Paris. Et je lui ai dit, on va habiter ensemble et tout. Et à l'arrivée, au final, je suis resté une semaine avec elle et je l'ai larguée. Oh, voilà. C'est vraiment une merde. Je me disais que la chute allait être sévère. Mais il est toujours atroce. Bah ça va, attends, c'est 2 heures de train, Lyon, ça va. C'est comme si t'étais à côté. Okay, mais alors, c'est le principe, tu sais. Bah ça va. Oh, elle a tout déménagé. Donc c'était après. Juste pour coucher avec elle. Non, mais je l'aimais bien. Mais après, je me suis souvenu. Et de voir sa gueule tous les jours, Cassim, ça m'a. Cassim. Tu nous saoules. La dernière fois que t'as fait le con, t'as puni, t'as été à RTL2. Oui. Et tu sais que ça n'a pas plu en plus à RTL2. Alors ce soir, on va t'envoyer à RTL si tu continues. Et là, tu risques pas de revenir en saison 6. Ou 5 plutôt. Ou 4. Non, c'est ton 4 déjà. 4. Exactement. Tu reviens quand tu veux, Jessica. En tout cas, merci beaucoup de ton appel. Merci, on fait des gros bisous aussi à Clémentine et Océane. Vous raccrochez pas les fions. On vous régale avec du cadeau. Et puis cette semaine, je vous l'ai dit depuis hier, on réécoute les meilleurs défis. Fallait pas demander de cette année. Donc c'est le meilleur de l'année. C'est que des trucs qui déchirent. Hein. On va pas se le cacher. On a eu Issa de Marseille qui avait demandé à sa grand-mère si on prend plus de plaisir en se masturbant avec un dans les fesses et la grand-mère elle est juste ça... magique. Moi je D'accord. m'en souviens la grand-mère c'est à mourir de rire. Vous bougez pas, vous restez avec nous et en attendant on va mettre à fond profiter c'est l'été avec Kungs This Girl. Yeah. This Girl sur Fun Radio. On peut parler de tout, mais pas n'importe qui. N'importe quoi. T'es défoncé ou quoi? Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. C'est tous les soirs sur Fun Radio, c'est à 21h et ça s'appelle le défi fallait pas demander. Et quel grand défi on va réécouter. On se fait une semaine de kiff hein, pour la dernière semaine là, de Love in Fun avant les vacances. Toute la semaine, on a décidé, on s'est réunis, toute l'équipe, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait hein. Et Maxime, notre producteur Podgel, a proposé, on se fait pas chier, on remet les meilleurs moments de l'année. Merci Podgel. Mais moi je dis la vérité, monsieur ne branle plus rien hein. C'est les vacances hein. On y est. Eh bien non. Moi j'ai décidé qu'on allait faire en direct. Donc vous nous appelez. Non, on va se faire le kiff de réécouter. Parce que c'est vrai que c'est quand même une bonne idée quelque part. On va réécouter Issa de Marseille, qui avait demandé à sa grand-mère si on prend plus de plaisir en se masturbant avec un doigt dans les fesses. Écoutez, c'est mythique, c'est magique. Allô? Ah oui, allô Marie? Oui. C'est Issa, ça va? Ça va bien et toi? Ça va. En fait, c'est une question que je pouvais pas trop poser à maman, donc je voulais te la poser à toi. Oui. À ton avis, est-ce que j'aurais plus de plaisir si je me masturbe avec un doigt dans le fion? Quoi? Est-ce que j'aurais plus de plaisir si je me masturbe avec un doigt dans le fion? Mais t'es pas bien? Ça va pas la tête? Mais qu'est-ce qui se passe? Et sinon, est-ce que tu t'es déjà mis un doigt dans le cul? Mais Issa, t'es pas bien? T'es où là? Je suis à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Et sinon, est-ce qu'il peut y avoir du caca sur le doigt? Non mais tu demandes à maman. Hein. Moi, je peux pas t'indiquer toutes ces choses-là. Je peux pas te l'indiquer. Comment ça se fait que tu... t'as un copain avec toi là? Ouais, bonsoir alors madame. Allô? Bah oui, je m'en doutais. Ah oui. Bah oui, non, mais on se posait la question, et comme vous êtes une femme d'expérience, peut-être qu'on s'était dit que vous auriez une solution. Non mais, c'est qui là, mon copain là? Je suis Doom. On m'appelle Doom. Ouais, bah écoutez, moi je vais prévenir Sophie hein, que vous n'êtes pas tellement une bonne fréquentation. Ah bon, pourquoi? On s'est tous masturbés au moins une fois dans la vie, non? Non mais c'est n'importe quoi hein. Pourtant, vous... Franchement, ça, je comprends pas, là. Hein. Ah, et écoutez, moi, je vais vous dire, je suis avec... Quel âge vous avez, vous? Moi? Oh, j'ai plus de 20 ans, hein. Ah, y a pas de problème. Mais justement, hein. Alors comment ça se fait que... Ah, bah, et tous les soirs, je travaille avec un médecin qui en a encore plus que moi, hein. Non mais c'est pas la question, mais comment ça se fait que vous êtes avec Issa? Parce que en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je travaille et il vient m'écouter à mon travail. Quel travail? Bah de la radio, je fais de la radio. Hein. Je fais un petit peu de radio le soir sur Fun Radio. Là d'ailleurs vous êtes en direct. Vous êtes en direct sur Fun Radio, Brigitte. Dans toute la France. Bravo Brigitte. Elle a compris, Brigitte, elle s'était fait rouler. Elle est roulée dans la farine, Doc, absolument. Oui. Un peu, mais vous êtes... ça m'étonnait qu'Issa me pose de telles questions. Alors, je vous explique, parce que là, il faut expliquer, parce que Issa, il est champion du monde des questions. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est le défi, fallait pas demander. C'est poser des questions qu'on n'oserait jamais poser. C'est des questions qu'on peut nous poser, nous, tous les soirs, avec un vrai médecin qui est là avec nous, c'est Doc. Ouais, je connais, oui. Et effectivement, Doc, si on met un petit doigt, excusez-moi, Brigitte, hein, dans l'anus, on peut peut-être avoir plus de plaisir parce que ça touche la prostate. Oui, chez les garçons. Ah bah oui, chez les garçons, mais chez les femmes. Mais moi, j'ai pas de prostate alors. Ah, mais voilà, bien sûr. Ah ben... voilà, éventuellement. Ah, vous avez été super. Vous avez été super. Formidable, hein, Brigitte. Grâce, allez, je vous embrasse. Grâce à vous, quand même, Issa repart avec une console PlayStation 4. Bravo. Bravo. Ouais, oui. Eh ouais, une belle console à la maison, là. Grâce à vous, Brigitte. Il a retourné sa grand-mère. Ouais, carrément. Eh ben, j'espère que c'est vrai. Issa, ouais, mais bien sûr que c'est vrai. Issa, ouais. Tu veux dire un truc à ta grand-mère, lui faire un gros bisou quand même? Bah oui, gros bisou, mamie. Ah, voilà, gros bisou, mamie. C'est pas vrai. J'aurais jamais osé te poser toutes les questions. C'était pas mais oui, je comprenais pas. Mais je t'adore, c'est bien. Et on fait des gros bisous, Brigitte. Bisous. Au revoir, Issa. Brigitte. Au revoir. Et bravo Issa, tu reviens quand tu veux dans Love in Fun. Ciao. Merci à toi. Beaucoup. Salut Karel. Salut. Fallait pas demander. Sauf à la team de Love in Fun sur Fun Radio. Vous pouvez venir tout dire et tout demander justement tous les soirs. C'est un petit peu le concept hein, de l'émission. On parle sans tabou chaque soir sur Fun Radio de 20h à 22h au 01 42 48 5000. Et on sera avec Émilie qui nous appelle de Digne-les-Bains. Salut Émilie. Salut Doc, salut Karel, salut toute l'équipe. Salut Émilie. Tu nous appelles pourquoi Émilie? Mais j'aimerais savoir comment arrêter de me manger mon vernis. D'accord. Okay. Sont, ah oui, elles mangent les ongles. Mais oui, non, mais ça, c'est un drame, ça, Doc. Et pourquoi est-ce qu'on. Joli. Pourquoi est-ce qu'on se bouffe aussi les peaux? Il y en a qui font ça, qui bouffent les peaux autour des ongles. On en parle dans un instant. Voici Môme et Aloha sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Sur Fun Radio. 20h, 22h. Loving Fun. Sur Fun Radio. Twitter, Facebook, Snapchat, on est partout sur le Twitter. Il suffit de mettre le hashtag Loving Fun. On voit tous vos messages, toutes les réactions que vous mettez pendant l'émission. La page Facebook, il faut aller liker la fanpage de l'émission. Loving Fun, aussi simple. Hein. Oui. Et puis le Snapchat, il faut nous ajouter Loving Fun Radio. Et quand on reçoit des messages, on les trie, on en prend quelques-uns et on les dit à l'antenne. C'est parti. Un message de Karim. Quel est l'âge minimum pour avoir des enfants quand on est une fille? C'est une bonne question. On considère qu'une grossesse avant 18 ans est forcément plus compliquée, de même après 38 ans. Il y a plus statistiquement deux complications. D'accord. Donc avant 18 ans, c'est pas souhaitable. Il y a une question physique, mais une question de maturité aussi, ouais, de aussi. Préparation. C'est clair. L'âge moyen des premières grossesses en région parisienne, c'est 29-30. Donc voilà, ça veut dire que les femmes ont des enfants. En région parisienne, mais c'est. Auparavant, c'était 17-18 ans. En province, c'est un peu plus jeune. Au Moyen-Âge, on avait des enfants 14-15 ans. À partir du moment où une fille est pubère, elle peut être enceinte. Le problème, c'est qu'elle n'est pas prête ni physiquement ni psychologiquement. Donc je crois qu'il faut au moins 18 ans, après, sans jugement de valeur. Au cas, des filles qui peuvent avoir des enfants à 20 ans et très bien le vivre, très bien faire. Et un autre message de Jérémy sur le hashtag Love in Fun. Est-ce que c'est vrai que les jeux vidéo sont très dangereux et qu'ils rendent fous? Ça, c'est la totalité, totalement faux. Connerie. Je pense que, en général, quand il y a malaise, quand on n'est pas bien dans sa vie, quand on a des grosses difficultés, on peut s'enfermer dans les jeux vidéo, mais ce ne sont pas les jeux vidéo qui créent ça. On peut même s'épanouir dans les jeux vidéo, monsieur. On peut jouer. Après, il faut savoir mettre des limites, parce qu'effectivement, jouer sans cesse, ça peut poser un problème. Ça finit par perturber la vie quotidienne. Mais c'est vrai que c'est un bon stimulant, les facultés d'analyse. Bien sûr, les striptease dans GTA. Les facultés d'anticipation, les facultés de synthèse, enfin voilà. Ça, c'est vrai qu'il y a des puces dans ces jeux vidéo. Mais pour autant, quand quelqu'un passe son temps en permanence dessus, il faut voir sa structure psychologique de départ, ce qui est un problème dans sa vie. On accueille Émilie qui est avec nous, 13 ans de Digne-les-Bains. Salut Émilie. Salut. Émilie, toi tu vas avoir des bains magnifiques pour cet été. Oui. Eh ben oui, bah, c'est normal. C'est normal. Raconte-nous, qu'est-ce qui va pas là? Non, en fait, dès que je m'applique du vernis ou quoi sur les ongles, je suis en train de manger. Tu manges? J'en ai plus. Tu manges que le vernis? Du vernis à paillettes, un peu de tous les vernis. T'as une espèce de petit tir. Tu grossis, du coup? Ça fait grossir ou pas, le vernis? Non, mais ça se retrouve dans les selles, donc c'est peut-être teinté. Ah, d'accord. Ah, t'as des selles pailletées? Du caca de toutes les couleurs? Non, je sais pas, je regarde pas. Tu fais des caca arc-en-ciel? Non. Voilà, en tout cas, c'est pas dramatique, bien évidemment. C'est pas bon à manger, il faut éviter de manger ça. C'est produit quand même chimique. Ouais. Et c'est pas fait pour être absorbé. En même temps, pourquoi tu as ce tic? C'est une réalité. Tu ranges pas tes ongles, donc. T'as pas de demi-confagie. Oui, je range mes ongles. Ah oui, voilà. Il faut commencer par le début. Oui, tu ranges tes ongles. Donc le vernis comment on va fait avec. Pour plus ranger ses ongles, Doc? Est-ce que t'en souffres ou est-ce que t'es heureuse comme ça? Parce que souvent, les gens sont bien comme ça, n'ont pas envie que ça change. Ça va être dur. Ben, moi, ça m'énerve parce que à chaque fois, j'ai du vernis et même des fois, comment dire, mon petit ami, ça doit faire bizarre quand je lui dis, ben moi, tu sais, le vernis que j'avais hier, je l'ai mangé. D'accord. Sinon, tout va bien dans ta vie? Ouais, ça va. Tu es heureuse? T'as des copines? Tu joues? Ouais, ça va. J'ai un petit Doc aimerait bien t'inviter un mercredi après-midi pour faire une petite boum. Non, ça risque pas. Ça risque pas, mais j'essaie de voir si tu vas bien dans ta vie en général. Mais... Oui, ça va. T'es pas angoissée? T'es un peu anxieuse quand même, peut-être un peu? Si, je suis un peu angoissée parce que l'année prochaine, je passe en troisième et j'ai raté mon année. D'accord, donc c'est vrai que quelquefois on a tendance à avoir ces gestes auto-érotiques mais aussi très agressifs et qui ne demandent qu'à se répéter parce qu'il n'y a pas de satisfaction là-dedans. Quand on le fait, il y a quelque chose qui est, bon voilà, une sensation, mais dès que c'est terminé, on recommence. Voilà, donc il faut effectivement comprendre le pourquoi du comment, pourquoi tu es comme ça. Émilie, oui. t'es pas toute seule. Alice, tu te ronges les ongles toi aussi ou pas un petit peu des fois? Mais il est chiant ce Kassim là! Putain, il me coupe mon micro! Il est chiant! Non mais lui, il sera pas là! Non, mais il est insupportable! Il sera pas là! J'allume, il le coupe! Vas-y! Il est vraiment dingue! Non, je me ronge pas les ongles, mais c'est vrai que c'est un peu un toc des fois d'arracher son vernis en fait. Quand il commence à être un tout petit peu écaillé, c'est trop tentant quand tu vois un petit bout, tu vois, et t'es obligé de tirer dessus. Donc voilà, moi je me ronge pas les ongles, mais je la comprends. Voilà. Bon, il y en a plein qui font ça. Hein, carrément! Mais qui se grattent partout, qui arrachent leur peau. Mais ils font des vernis qui n'écaillent plus. Doc, lui, il se gratte les couilles, j'ai remarqué des fois. Non, alors je trouve ça très disgracieux. Non, mais non seulement tu grattes, mais en plus après, d'un petit coup comme ça, tu sens tes doigts, j'ai remarqué. Non, ça, c'est pas moi du tout. Si. Là, je pense c'est que tu qui, fais. C'est l'entraîneur de l'équipe allemande, comme ça, qui a été surpris en train de se gratter les couilles et de sentir. Même pire, il a fait une petite boulette. Une boulette de caca, les copains. Ah, mais n'importe quoi, qui fait ça. Mais l'Allemagne, on s'emmerde pas avec les détails. C'est Joachim Löw qui a fait ça. Je sais qu'ils aiment bien les grosses saucisses, mais enfin, quand même. Il a été d'ailleurs obligé de s'expliquer en disant que il savait pas trop ce qu'il faisait, il était dans le stress du match et l'autre il se gratte les couilles, il sent et tout quoi, dégueulasse. Je te jure, Émilie, sans déconner. Il y a des gens qui se reniflent, c'est vrai. Détends-toi, t'as redoublé ta troisième là, t'as pas eu ton brevet là alors. Non, j'ai pas redoublé ma troisième, je passe en troisième et j'ai raté mon année de quatrième donc voilà. Bah, c'est pas grave, tu passes quand même. Ouais. Ah bah alors c'est ça le principal. Peut-être qu'il faut essayer de mettre... Et oublie pas les stratégies pour travailler mieux la prochaine. Bien sûr. Laisse pas envahir. Va falloir qu'on fasse un cahier de vacances du doc. Les stratégies pour être au top. Ça c'est j'ai d'abord une idée. Oui, fais ta dédicace. Émilie s'en fout de ton cahier de vacances. Je sais. Émilie dédicace. Ah, on fait une dédicace à mon Benjamin que j'aime et à mes copines, à ma soeur, à ma famille, à ma mère et à mon petit copain qui est en ce moment en train de m'écouter, voilà. D'accord, est-ce qu'il y a derrière toi? C'est qui la copine à côté là? Non, c'est ma soeur. Ah bah oui, la petite soeur. Elle est chiante ta soeur? Bonjour, des fois. Bonjour, elle s'appelle comment? C'est moi qui fais des choses. Non, d'accord. Ok, passe-la nous quand même, je veux lui parler. Ouais. Ok. Allô?

Qu'est-ce que c'est bon ça, Zib avec Brice sur Fun Radio. In. Du sexe et du fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio, Imani. Don't be so shy. 01 42 48 5000 tous les soirs Love in Fun sur Fun Radio, la seule émission où vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaises questions ici. On tente de vous répondre avec un vrai médecin qui est avec nous tous les soirs. Bien sûr, c'est Doc. Donc, on a appris une nouvelle de dingue. Vous n'étiez pas là tout à l'heure en début d'émission. Donc, il nous a dit qu'il allait bientôt se marier peut-être. J'ai dit l'année prochaine. L'année prochaine. Eh ben, ça va, Doc. Mais voilà. On attend ça avec impatience. J'espère bien. On vous invitera tous au mariage, bien sûr. Vous serez tous les bienvenus. D'ailleurs, on a Camille qui est avec nous. C'est Karel qui paye. C'est ça, ouais. Je vais avoir un petit problème là pour le coup. Là. Camille, t'es là ? Oui. Alors, Camille. Salut. Camille, elle a 10 ans. Et en fait, c'est la petite sœur d'Emilie qui nous a appelé juste avant. Et Camille, tu nous as dit que t'avais une petite question. On t'écoute. Oui, coucou Doc et coucou à toute l'équipe. Oui, salut. Bonjour Camille. Alors, vas-y. Oui, bah en fait, j'aime un garçon, mais je sais pas comment m'y prendre. Oui, t'es amoureuse. Oui, voilà. Non mais quand on a 10 ans Camille, on drague pas les garçons, non, quand même. Il suffit juste que tu le regardes, d'accord? Oui, si, les enfants sont amoureux. Mais ouais, non, mais bien sûr, mais tu vas pas draguer quoi. Non quand même. Qu'est-ce qu'il a? Il a quel âge? Il a 10 ans aussi? Non, en gros il est plus grand que moi en fait. Quel âge il a? Il a 13 ans. Et qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire? Non, il est beau. Ouais, mais c'est mort. Et puis quoi d'autre? Allô? Oui, allô? Oui, désolé. C'est pas grave. Et alors, il est beau, c'est tout? Il sent bon, hein, le sable chaud? Hein, c'est ça? Oui, mais en fait, je lui ai déjà dit que je l'aimais, mais en fait, lui, il m'a dit non, ben moi non. Et du coup, je veux savoir si j'ai une deuxième chance. Non. Non. Non, parce qu'en fait, il faut se rendre à l'évidence. Quand quelqu'un te dit non, c'est qu'il faut pas, il faut passer à autre chose. Parce qu'en fait, tu sais ce que ça veut dire, non? Oui, ça veut dire non. Voilà. Après, il y a des noms qui veulent dire oui. Mais bon, on va pas rentrer dans ce jeu-là. Je pense qu'il vaut mieux, Camille, pour l'instant, que tu focuses sur tes copines, que tu t'amuses, et puis les garçons vont venir à toi. C'est le sentiment amoureux pour arriver chez les enfants très tôt. C'est pas extraordinaire. Ça confirme. Oui, par contre, Camille. Par contre, comment? Mais alors, Camille, fou rire. Un petit fou rire, ça fait du bien. On se détend. Est-ce que je peux piquer le petit copain de ma sœur? Est-ce que je peux piquer le petit copain de ma sœur? Elle commence tôt. Ah putain, et Camille, elle les veut tous, hein, c'est ça? Et il a quel âge, le petit copain de ta sœur? 14 ans. En fait, c'est ma sœur qui me l'a demandé. Ah d'accord, ok, c'est pour ça que tu rigolais, d'accord. Bon bah écoute. Rigoler, hein. Eh bah, ça rigole. Ça rigole du côté de Digne-les-Bains ce soir. Je te fais des gros bisous, Camille. Salut. Oui, moi aussi. Par contre, est-ce que vous pouvez me... Oui, ok. Vous allez recevoir votre cadeau, les filles. Ne raccrochez pas. On va vous envoyer le pack Love in Fun. On accueille Kaina qui est avec nous. 15 ans d'Omnas. Bonsoir Kaina. Salut Kaina. Bonsoir, salut Karel, le doc et toute l'équipe. Vous allez bien? Bonsoir. Bonsoir Kaina. Tu nous appelles pourquoi? Ça va très bien? Bah, en fait, c'est ma mère, elle accepte pas mon petit copain. C'est relou. Comment ça se passe? Il est déjà venu chez toi et tout? Oui, bah, au début, ça allait bien, il venait, mais après, il y a eu une embrouille avec mes voisins, et du coup, ma mère, elle l'aime pas, et du coup, elle veut plus que je le vois. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, en fait, il y avait un mec qui m'emmerdait, ouais. Et il a voulu me défendre, bah, c'est logique. Ah oui, et c'était le voisin. Après, c'est tout retombé sur moi. Et du coup, ma mère, à cause de ça, elle l'aime plus. D'accord. Et elle veut que je teste. Ok. Et toi, t'as 15 ans quand même, donc. Oui. T'es assez jeune. Tu es très amoureuse ou pas? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il est très amoureux de toi? Bah, oui, Doc. Oui. Et bon, tu peux le voir quand même à l'extérieur, t'es pas... Normalement, tu dors pas avec lui, tu dors pas la nuit avec lui, à 15 ans. Non. Mais alors, tu continues à le voir, t'es pas obligé de demander l'autorisation à ta maman. Mais ma mère, elle veut plus que je le voie, j'ai tout obligé de lui mentir. Mais pourquoi, pourquoi il est voyou, il a cassé tout, il a... Mais non, t'as rien écouté, Doc. Si. Mais attends, t'as pris la tête avec le voisin pour la protéger. Mais... Oui, si on veut. Y a pas d'autre chose qu'elle lui reproche? Je sais pas. Non, bien sûr que si. Mais bon, elle veut pas le dire, mais il faut que tu lui demandes à ta maman. Donc t'es voyant, t'arrives à voir des trucs qu'elle je ne dit pas. Je pense qu'elle ne dit pas tout. C'est incroyable, tu regardes dans ton tarot là, c'est ça, la Doc. Voilà, tu as sorti tes cartes. Je suis persuadé qu'il n'a pas tout dit. Boule de cristal, je suis Doc. Si elle ne l'aime pas, il y a bien une autre raison, peut-être, non? Peut-être, Kaina. Il y a un truc. Franchement, moi, les beaux parents, je me les mets toujours dans la poche.

She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. Then she said, ça passe. And I said, na boulet. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, como esta. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, da. Then she said, ça passe. And I said, na boulet. No matter where I go, go. You know I love them all. Ken Jones sur Fun Radio et Don't Mind. À quoi pense-t-elle? Love in Fun et Girls.fr vous disent tout. Ce que veulent les filles dans Love in Fun. Et c'est Onénor Jean, vous êtes tous les bienvenus hein, sur Fun Radio à la cool, dernière semaine là, de Love in Fun avant les vacances. Et ce que veulent les filles dans l'émission, à tout moment quand vous posez une question sur les mecs, sur les filles, bah, vous venez la poser ici et il y a toutes les filles, tous les mecs qui répondent au standard 01 42 48 5000. Ce soir, on a reçu un petit message en fait sur Facebook, Alice. Exactement, un message de Ludo qui nous dit qu'il fait souvent des rêves érotiques et il se demande si certaines filles ont déjà eu carrément un orgasme pendant leur sommeil. Bien sûr, c'est décrit et c'est d'autant plus décrit chez les femmes frigides. Qui n'ont pas d'orgasme, qui en revanche, durant leur sommeil, ont des orgasmes. Et chez uniquement les mecs. Uniquement durant le sommeil. Les mecs, bon, c'est plus linéaire, mais les orgasmes aussi pendant le sommeil arrivent. Ça s'appelle des pollutions nocturnes. Des pollutions nocturnes. Alors ça, c'est un truc de dingue quand même. C'est-à-dire qu'on éjacule pendant la nuit, quoi. Et on ressent un orgasme, oui. Et on ressent. Mais on ne se réveille pas forcément. Bah, ça dépend, mais tu es proche du réveil quand même. En fait, moi, ça m'est arrivé une fois. Ouais. Et parce que tu tirais tellement sur le haricot que. Mais pas du tout, pas du tout. Nuit, non, mais pas... j'ai rêvé pendant la nuit que j'avais. Des pollutions nocturnes, il faut pas se tirer sur le haricot pour en avoir. Doc, tu me laisses pas raconter. Bah tu me laisses pas me raconter aux auditeurs le soir. Vas-y. Je te dis que j'étais dans un rêve, tu vois, et j'étais en train de faire l'amour avec une nana d'ailleurs qui bosse à Fun, tu vois, donc autant te dire que c'était chaud. Et je me suis réveillé. Non, c'est pas vrai. Et je me suis réveillé, en fait, j'en avais partout. Ouais, bien sûr. Oui. J'avais éjaculé. Okay. Ah bah oui. Et c'est incroyable. Partout. Mais ça t'a réveillé ou tu t'es réveillé genre c'était déjà le lendemain matin. C'était déjà séché. C'était croûteux. C'était un peu croûteux. Ça sèche, oui, bien sûr, ça sèche. Oui. Ça s'appelle même des cartes de géographie. Mais c'est connu. Mais je trouve ça hallucinant d'éjaculer sans se la toucher. Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait logique. Alors, on va en parler avec Anna qui est avec nous. Anna, elle a 28 ans de Reims. Bonsoir Anna. Salut Anna. Salut l'équipe. Est-ce que tu as déjà eu des jouissances hein, pendant la nuit, toi? Alors oui, ça m'est arrivé. Bon, c'est rare quand même. Mais c'est vrai que sur le coup, ça. Enfin, moi personnellement, ça me réveille. À toi, ça t'a réveillé. C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Ah bah en fait, c'est mouillé. C'est. Enfin voilà quoi. Oui, c'est l'excitation, oui. C'est vrai, voilà. Ouais, enfin, la petite boule au ventre qui fait que et moi ça me réveille. Du coup, je suis obligée de sauter sur mon copain. Sinon, c'est mort. Je peux pas finir ma nuit. Donc. Ah ouais. Et tu rêvais d'un autre mec peut-être? Ah non. C'est par contre ça, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Comment il réagit le mec? Comment il réagit le mec à 3h du matin? Ah bah lui il aime ça, donc bah, ça ne dérange pas. Lui voudrait que je le réveille toujours comme ça en fait. et donc tu rêvais pas de quelqu'un d'autre que lui quoi. C'était... Ah non, ça par contre ça m'est jamais arrivé. Donc peut-être après, oui, c'est possible que ça m'est arrivé, je m'en souvienne pas. Mais du peu que je me souvienne, non, ça m'a jamais arrivé. Donc toi, ça t'est arrivé aussi Alice ou pas? Ça m'est déjà arrivé quelques fois et c'est vrai que je suis comme Anna. En général, quand tu te réveilles et que c'est ça, bah tu peux pas rester comme ça quoi en fait. Il faut obligatoirement aller au bout de ce plaisir. Aller au bout, quoi. Donc tu restes sur ta faim. Eh ben oui, non mais c'est horrible. En fait, tu te réveilles et t'es dans un état de. Mais il y a pas de mec. Qu'est-ce que vous faites les filles? Eh ben tu sautes par la fenêtre quoi. Vous avez des pré-orgasmes, mais il y a des filles qui ont un orgasme complet. Sale et durant le sommeil. Oui, mais même si t'as eu ton orgasme, ça te réveille, mais tu te sens quand même un peu sur ta faim. Tu vois ce que je veux dire? En fait, t'as envie de continuer. Ouais, voilà, ouais, sûr, exactement. Ouais. Ah bah putain, ça donne envie de passer des nuits avec vous, les filles. Ouais. Carré, il dit merde, ça m'arrive pas à moi. Non, Alison, bonsoir. Salut Alison. Salut Alison, t'as 18 ans et t'es du Mans. Ouais. Tu te reconnais dans Alice et Anna, là, qui parlent de leurs orgasmes la nuit? Un peu, sauf que quand t'as pas ton copain à côté, va rester sur ta faim. Ah ouais, non mais... Tu fais comment? Bah le pommeau de douche. Ça s'appelle un god. D'où les succès des sextoys, n'est-ce pas? Absolument. Ah ouais, non. Tu restes sur ta faim et tu te débrouilles. Et t'arrives à te souvenir de tes rêves et tout? Tu fais des trucs de ouf dans tes rêves que tu fais pas dans la vie? Non. C'est ce qu'il appelle. Non, c'est un peu kiff-kiff, rêve, réalité, c'est kiff-kiff. Okay. C'est ce qui s'appelle une finition bain. Bon, on va faire une finition god, hein, parce que là, pour le coup, on va vous envoyer à toutes les deux des sextoys de la marque Lelo, les filles. Yeah. Est-ce que ça vous fait plaisir? Oh ouais. Vous allez jouir pendant tout l'été, les filles. Super. Merci, la vie fun. On vous fait des gros bisous. Anna, bisous, Alison. Bisous. Salut. Vous revenez quand vous voulez. Gros bisous, les filles. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler tous les soirs. On sera avec Kevin. Kevin, il est de Marseille. Il est là, Kevin. Salut à salut. Toi. Salut, Kevin. Ouais, allô. Salut. Salut Kevin, t'appelles d'où, t'as quel âge? Je viens de le dire, donc oui, tu nous appelles de Marseille. Et du coup Kevin, t'appelles pourquoi? Ben en fait, c'est parce que moi aussi je me suis fait prendre, j'ai tout changé pour rien et je suis rendu bon temps à cause de mon Covid. D'accord, tu réagis par rapport à tout à l'heure, on t'entend très mal hein, Kevin, hein. Ça c'est va ça, faire ouais. Qu'on change pour la saison prochaine le téléphone, hein, je vous le dis. Hein. Kevin, tu restes avec nous, on parle du changement de vie après Major Lazer, voici Boom, c'est Love in Fun. Took it from a man, he a punk. She got a body like Baywatch. I met her at Playhouse. Ooh, yeah. Bought 10 bottles, bought 10 more. Told her move her ass to the tempo. Hey. Is you really with the shit though? Really, is you really with the shit though? We got champagne and vodka. Goons with me if they need a pile of. Fuck niggas, hate real niggas, get money. All motherfuckin' debt. Baby, drop it to the ground like yes, bitch. Back it up like yes, bitch. Yeah. After the club, I'm smashing. We'll come home to pass. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, no, they boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Baby, girl, please, please. Baby, don't leave. You got that booty, no, they boom, bam, bam. Baby, give me that boom, bam, bam. Oh. Rider, break a cup. She a make bag of nice, me no even give a fuck. She a swan lot of sign dollar where you a go do. Take her outside, go smash it on the avenue. Two of my bitches in the club. Me introduce them to each other. Other man a gal is, I'm in stand to forever. Major Lazer, boom! 01 42 48 5000. Love in Fun. Avec Doc et Karel. Love in Fun. 20h, 22h. Sur Fun Radio. Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio. 01 42 48 5000, c'est le numéro pour nous appeler. Le Twitter, le hashtag Love in Fun hein, pour réagir pendant l'émission. Et bien sûr, la fanpage de l'émission Love in Fun. Vous pouvez retrouver d'ailleurs des petites photos qu'on vous a mis quand on était à Ibiza avec toute l'équipe. On parle de ton chiffre, on continue d'en parler parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réactions. 50% en fait des personnes qui sont prêtes à tout quitter, qui ont même tout quitté parfois. Hein. Voilà, exactement, qui ont changé de vie pour suivre leur mec ou leur meuf. On a Hakim qui est avec nous, qui voulait salut. Absolument réagir. T'es là, Hakim ? Salut, Hakim. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Hakim. Raconte-nous, toi. Alors, t'as vraiment tout plaqué pour une fille ? Pour un mec ? Pour un mec, bah vas-y, raconte. Pour un conjoint. Ouais, j'ai tout plaqué. Donc, j'ai quitté mon boulot à la banque, j'ai quitté ma ville. Et en fait, donc j'ai quitté ma famille, mes amis, j'ai tout quitté. Putain, pour, chaud. Et voilà. Ensuite et ce qui se passe, c'est que ben, là, il y a deux semaines, il m'a plaqué pour faire sa télé-réalité. Sa télé-réalité, il va faire quoi comme télé-réalité? C'est une nouvelle télé-réalité qui a été mise en place. Là, c'est la première fois qu'il sort en Europe et donc il a été pris et donc il a monté un peu dans ses ailes et tout ça. Et là maintenant. Il a monté dans ses ailes. Dis-moi, voilà, c'est sur quelle chaîne? C'est sur quelle chaîne? Sur W9. Ah oui. D'accord. Ah bah ça doit être bien parce que c'est notre ancien patron qui est le patron de W9. Qu'est-ce qui sert les pommes celui-là? Ah bah Jérôme Fouquet, moi je trouve bon. Oui bien sûr. Bah non mais c'est vrai, je le pense. On l'aime bien sûr qu'on l'aime. Bah oui, c'est lui qui a installé Love in Fun avec Tristan et tout. Hein. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors Hakim. C'est juste pour te faire marcher. Du coup Hakim, t'es dégoûté là? Ben ouais, grave, parce que bon, j'ai tout quitté, comme j'ai dit, boulot et tout, moi j'ai fait mon coming out pour ma famille, par rapport à lui, donc bon, je ne vais pas rappeler avec ma famille, parce que voilà, j'ai quand même des origines un peu rebeux, et donc, il le sait très bien que voilà, c'était mon premier amour et tout, et que tout se passait bien, et qu'il m'a dit non, finalement, j'allais faire de la télé-réalité, donc ouais. Ça, il a été pris. Ouais, mais tu sais, et Doc, il l'a dit tout à l'heure, c'est le risque, quelque part. Non, mais en même temps, bon, ça faisait longtemps que tu étais avec lui? Oui, ça faisait presque 2 ans. Deux ans. D'accord. Et pour toi, c'était une grande relation d'amour? Non, pas forcément, mais dans le sens où ça a été vraiment très intense. Ça veut dire qu'on ne s'est jamais disputé, jamais pris la tête en l'espace de 2 ans. On n'a jamais haussé le temps. Ah, mais en même temps, Hakim, c'est le lot de toutes les relations que tu peux avoir. Ça peut s'arrêter, ça peut continuer. Oui, quoi. Quand on aime, il faut une certaine générosité aussi. Il y a des gens qui sont très centrés sur eux et qui aiment l'autre. Un peu, je suis désolé de le dire, comme un objet de plaisir. C'est pas de l'amour, ça. C'est s'aimer beaucoup soi-même et utiliser l'autre. C'est ça que tu es en train de comprendre. Parce que finalement, ce qui l'intéresse, c'est sa pomme. Ouais, et surtout, Hakim, une émission de télé-réalité, ça dure pas non plus 10 ans. Enfin, il va revenir. Et s'il quoi. Te plaque pour ça, c'est qu'il pense déjà partir avec quelqu'un, tu vois. Bah ouais. C'est ça, en fait, c'est complètement ça. J'ai été complètement déçu parce que dans le sens où je pensais que ça se passait bien. Et en fait, je vois que maintenant, j'ai appris qu'il était super superficiel, en fait. Mais bien sûr, tout à fait. Maintenant, tu fais quoi? Maintenant, écoutez, je travaille à l'hôpital en tant qu'agent administratif médical et j'ai trouvé mon appartement. Eh ben, faut que tu te concentres là-dessus, voilà. C'est ça le plus important. Écoute, c'est pas toi qui t'es trompé, c'est lui qui s'est trompé. Effectivement, je comprends ta souffrance et ta douleur, on est de tout cœur avec toi en tout cas. Grave. Bonnes vacances, essaie quand même de passer des bonnes vacances à Hakim. Ah non, mais je compte bien les profiter. Eh ben, et voilà, et tu vas peut-être rencontrer un autre mec en plus. Salut à toi, Hakim. Et Kevin qui est là. Tu voulais des mecs, on a du mec là. Kevin. Salut Kevin. 22 ans à Marseille. T'as tout quitté aussi pour une fille, toi. Ouais, salut Karel, salut Doc, salut toute l'équipe. Salut. Salut. Ouais, j'ai tout quitté pour une fille. En fait, je devais passer gendarme volontaire. Et puis, ma formation a duré un certain temps, 12 semaines. Ouais. Puis elle voulait pas que je parte 12 semaines là-bas sans elle parce que c'était pas à côté. Ouais. Et puis du coup, moi je suis pas parti et puis j'ai raté une occasion de le faire. Donc c'était il y a 3-4 ans et puis là maintenant je regrette mon choix. Alors je me suis réinscrit au concours et puis je vais repasser. T'es toujours avec elle? Non, je suis plus avec elle. Et en plus. Ah non, non c'est ça. Elle m'a trompé, elle m'a plaqué. Ah ouais, mais c'est ça, c'est quelqu'un qui, voilà, très possessif, jaloux. Tout cela, ça va ensemble. Voilà, bon après, quand. À ton âge en tout cas. Faut foncer, quoi. L'autre. Et c'est ça. Et s'il t'aime pas, il est plus avec toi. Et la preuve, il est plus avec toi. Et s'il t'aime, il t'attend. Et t'as rien à regretter, Kevin, parce que quand t'as dit oui, t'étais hyper amoureux d'elle. Et quand on est amoureux, on a juste envie d'être avec la personne. Donc on n'a rien à regretter. C'est juste qu'une relation, c'est un risque. Ça peut s'arrêter à tout moment, quoi. Et puis, il ne faut pas exagérer. Le fait d'être loin, ça n'exclut pas le fait de communiquer, de se dire des. Ouais. Voilà, de montrer qu'on l'aime, l'autre. C'est très important, ça aussi. Merci en tout cas pour tous vos témoignages, que ce soit Kevin, Hakim et tous ceux qui avaient réagi aussi tout à l'heure. On souhaite bon courage et bonnes vacances, Kevin. Hein. Merci, salut, Kevin. Merci. Salut à toi. On a Max. Max qui est avec nous, qui nous rejoint. 14 ans d'Evreux. Salut, Max. Salut, Max. Salut toute l'équipe, vous allez bien? Ça va bien, Max. T'appelles pourquoi? Pour savoir comment pour que la rentrée de seconde se passe bien. Comment quoi? Comment faire pour que la rentrée de seconde? La rentrée de seconde, comment elle va bien se passer? Il pense déjà à ça avant les vacances. On va y penser. On déconne, on va pas faire ça quand même. C'est les vacances qui vont commencer là. Non, mais justement, on va lui dire d'en profiter. Ah bah ouais. C'est clair. Je voulais savoir comment ma rentrée va se passer là parce que je panique un peu. On est au mois de juin, merde. Reste avec nous, on va écouter Imani, à tout de suite. Réagissez à l'émission sur Twitter, hashtag LoveInFun. Bonsoir. Oh, c'est Amir. Anso, t'as pas un truc à souhaiter aujourd'hui? Oh si, bon anniversaire Amir.

20h, 22h sur Fun Radio. En direct, hein, tous les soirs sur Fun Radio du dimanche et jeudi pour nous appeler le standard 01 42 48 5000. C'est gratuit en plus, on vous rappelle derrière, n'hésitez pas. Et on va lire quelques messages juste avant d'accueillir Elisa d'Arcachon au téléphone. Des petits messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux, Alice. On a reçu un message de Chris. C'est grave si mon sexe fait 14 cm en érection et seulement 4 cm au repos. Non, non, c'est pas grave, c'est extensile. C'est un corps caverneux, un corps spongieux qui a moins de l'érection par le biais de l'ouverture des artères, une fermeture du retour. C'est doc, tu fais tes notes de frais, hein? Non, c'est le boulot que j'ai fait aujourd'hui. Ah, dis donc, t'as ramassé un sacré paquet de pognon. Il gagne ma vie, cool. Putain, il y a 15 tickets, le truc. Je suis pas la ramasse, moi, vous savez. Ah bah oui, je vois ça. Je fais partie des gens qui sont assistés dans la vie. Alors, je gagne ma vie, voilà. Bon, bref, peu importe. Je dis ça comme ça, c'est un point. Qu'est-ce que tu disais déjà ? Et sinon, pour son histoire de teub. Mais non, mais bon. On en est où ? Alors, non, non, mais c'est un corps extensible qui se remplit de sang, le corps spongieux et corps caverneux, qui effectivement, c'est extensible, donc rétractible. Rétractable, pardon. Ah oui, donc c'est... Et donc, cette différence est absolument normale. Au contraire, ça veut dire qu'une extraordinaire souplesse de ces structures. Incroyable. Voilà. Et donc, 14 cm, c'est une taille moyenne. Et c'est ce que préfèrent les filles dans les rapports sexuels. 12 à 14, c'est pour elles ce qu'il y a de mieux parce que ça fait moins mal. Ça dépend des filles, Doc. Il y en a qui préfèrent une petite, des filles. Arrête-toi. Arrête que dalle, vas-y. Alors, moi, j'en ai pas une petite, hein, je te le dis direct, hein, Doc. Hein. Moi, je te la montre si tu veux. On l'a déjà vu. J'ai déjà vu. T'as rien une petite. T'as rien vu du tout. Quand est-ce que tu l'as vu, Doc? Vas-y, me chauffe pas sur ma teub. Hein. Sans déconner, il y a des trucs qu'on peut plaisanter, mais pas ma teub. J'en suis super fier. Les mecs, ils pensent qu'à la taille de leur teub. Bah oui, c'est pas bah avec oui. ça que vous faites de l'amour. Eh bah oui, bah moi je le comprends. C'est avec une érection et du cœur. Oui, non mais hein c'est important. C'est quand même une érection. C'est important d'avoir bah une bonne taille de sexe. Oui, enfin, faut pas non plus exagérer. Hein. Bah, en tout cas, ça peut vraiment nous complexer. En tout cas, 14 cm, c'est la moyenne. Donc, les moyens, pas de problème. Une autre question, Alice. Un autre message de Florine qui a 12 ans et qui n'a toujours pas ses règles. Elle se demande si c'est normal. Bien sûr. La puberté chez la fille peut commencer à 10, 11 ans. Ça arrive parfois. Mais ça peut aussi commencer à 12, 13, 14, voire 15, exceptionnellement. Et donc là, évidemment, il n'y a pas de règles. Les règles survenant en milieu de puberté. On va demander d'ailleurs à Elisa, puisqu'elle a 13 ans, est-ce que tu as déjà eu tes règles, toi ? Bonsoir, Elisa. Salut, Elisa. Bonsoir, salut. Alors, tu as eu tes ragnagna ? Non. Ah bah voilà, c'est normal aussi, hein, ça va arriver. Il paraît oui, que c'est... Oui, bien sûr. Ah oui, tu nous appelles pourquoi, Elisa ? Parce qu'en fait, à 13 ans, j'ai toujours peur du noir et je sais pas pourquoi. Ah oui, tu mets une petite noir. Veilleuse. D'accord. Du noir, c'est-à-dire du noir complet ou relatif ? Oui, du noir complet. D'accord. J'ai peur. C'est vrai que ça fait un peu... Bah, il faut appréhender la pénombre avec une petite lumière, en sachant que quand tu rentres dans une pièce sombre, que tu étais à la lumière, ta pupille est rétractée. Donc, tu ne peux pas avoir une vision nocturne. Pour avoir une vision nocturne, il faut que ta pupille se dilate pour que les récepteurs, ce qu'on appelle les bâtonnets, qui sont à l'extérieur de la rétine, puissent fonctionner. C'est pour ça que quand vous rentrez dans le noir rapidement, vous ne voyez rien. Mmh. Et quand, après un certain temps, la pupille se dilate et vous commencez à voir un peu. Tout simplement. Tu mets une petite lumière, c'est pas grave. Allez. Ah, mais attends. C'est ce que je fais. Est-ce que t'as peur des monstres qui se cachent sous ton lit? Quand j'étais petite, oui, parce que ma sœur m'avait fait peur. Quand j'étais petite, elle s'était mise sous le lit avec rien pleine nuit. Ah oui, ça c'est une sœur sympa. C'est un traumatisme en fait d'enfance. Ça. C'est marrant parce que souvent chez les grands, c'est un petit côté sadique comme cela. Ouais, normal. Qui consiste à apeurer les plus grands en racontant des choses horribles. Et il y a des solutions, franchement, Elisa. Tu mets une petite veilleuse, voilà. Ah, t'en demandes pas. Tu dors encore avec un doudou ou pas? Bah oui, étant même dans la même chambre que mon petit frère. Et t'as pas d'autres inquiétudes, ça va? Ouais. Eh ben, tout va bien. Eh ben, tout va bien. On va t'envoyer un doudou Love in Fun phosphorescent. D'accord? D'accord. Non, j'ai peur. Je croyais que t'avais envie autre chose. Non, pas à 13 ans, Doc. J'espère, oui. Et est-ce que je peux faire une petite dédicace ou pas? On t'écoute, ma chérie. Salut. Vas-y. Donc, j'ai une petite dédicace à mon petit frère qui dort à côté de moi et à mon meilleur ami qui écoute Fun Radio. Salut, allez, Lisa. Salut. Ciao, ma chérie. Salut, au revoir. On a Quentin qui est avec nous, 16 ans de La Rochelle. Salut, bonsoir, Quentin. Salut, Doc. Salut, Tarail. Ça va, la famille? Ça va bien. Alors, tu nous appelles pourquoi, toi, Quentin? Bah pour avoir des petites idées de crasse pour un pote à l'internat. Ah, des idées de crasse à l'internat. Il y a de la vengeance dans l'air. D'accord, vous êtes encore oui, à l'internat ça, là quand tu es encore à l'internat là, tu veux te venger, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, il est à côté là, on pourra peut-être le faire chier là. Ah oui, bah oui. Ah bah, tu bouges pas, voici Imani, don't be so shy. Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. You feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my step. my heat's in your hands, and I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Imani, Don't Be So Shy sur Fun Radio. 20h, 22h. Love. Love. 01 42 48 5000. On va tout de suite accueillir Quentin, 16 ans de La Rochelle. Il est à l'internat. T'es là, Quentin? Ouais, je suis là. Ok, salut. Tu cherches une idée de vengeance, une crasse à faire à un mec, ça qui est dans ton internat? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait? Ben, moi, il m'a crassé, il m'a mis du shampoing et de la mousse à raser dans la gueule et tout. Ok. Alors, hors antenne, on t'a dit de prendre une bouteille d'eau, hein? Ouais. On se fait un petit classique. Par contre, Alice t'a dit de faire pipi dedans. Est-ce que tu as fait pipi dedans? Ah non, non, on a juste mis de l'eau. Allez, non, juste de l'eau. Donc, je propose, Quentin, que tu ailles rejoindre ton ami. Enfin, ton ami. On va y aller là, on va rentrer. D'accord, allez-y là. Et tu commandes bien ce que tu fais, tu lui fous sur la gueule. Oui, attends. Tu lasses tout. Hein. Bien, tiens, on rentre. On veut l'entendre crier. Ça a marché. Voilà. Hein, tu voulais te venger, je crois que c'est fait. Alors c'est bon, c'est fait. Bravo. Tu peux nous le passer. Ah ouais, non. Passe-nous le champion. Il est tout mouillé. Voilà, c'est bon. Allô. Tu nous le passes. Allô. Oui. Allô, comment, oui, tu t'appelles? Quentin. Ça va? Marius. Non mais Marius. Il est trop fort. C'est qui, c'est Marius? Oui, c'est Marius. Ça va Marius? Non, ça va pas, non. T'as fait de la... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Fais de la plongée. Comment? Tu fais là un peu de plongée là ce soir? Ah ouais, dans mon lit là, c'est trempé. Ah, tu sors de ta douche alors? Ah ouais, totalement. Tu sais où t'es ou pas, Marius? Sur Fun Radio. Ah bah ouais, en direct dans toute la France. C'est Quentin qui voulait une idée de vengeance et j'ai l'impression qu'on t'a bien niqué. Il y avait du pipi dans la bouteille. Il y avait du pipi dans la bouteille. Et Marius, tu veux te venger? Comment? Tu veux te venger là? Totalement. Eh ben vas-y, c'est parti. Tu prends. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est encore à côté, Quentin. Il faut mettre du gel dans ses pompes. T'as quoi à portée de main là? Mon zizi. Alors tu lui colles ton zizi sur le visage. Coup de bifle. Non. Une bifle. Non. Ça va trop loin. Ça, oui. On va trop loin. Ça y est, on est déjà en vacances, j'ai l'impression. Après, on s'étonne que ça finisse bizarrement des fois dans les chambres d'internat. Non, et les gars, vous, enfin, grâce à Marius, maintenant Quentin va être collé, je pense. Avec non. On va essayer de nettoyer, hein, parce que ce serait bête de le coller avant la fin de l'année. C'est que de l'eau, on va, oui, presque que de l'eau. Ça va, avec, oui, un petit fond de pipi. Hein. On vous fait des gros bisous, les mecs. Ouais, nous aussi. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit pack le vide? Bien sûr, vous raccrochez pas. Pour Quentin et Marius et tous les potos là, l'internat, on va essayer de faire un petit pack groupé là, et de vous envoyer ça avant les vacances. Salut Quentin. Ouais, merci, c'est cool, la famille, salut. Salut. Ciao, ciao. Salut. Et on va se retrouver dès demain sur Fun Radio. Bien sûr, et en direct. Mais, en plus. Ah, bien sûr, hein, moi j'ai quelque chose à te dire. J'ai été choqué tout à l'heure parce qu'il s'est passé, Doc, juste avant qu'on démarre l'émission. j'ai vu une animatrice de Fun Radio venir te voir. Blessée. Qui s'appelle Anne-Sophie. Ouais, elle était. Alors, j'ai voulu savoir d'où venaient ses blessures. Alors, je rappelle quand même pour ceux qui ne le savent pas. Le point que... de départ. Attends, Doc, je rappelle d'abord. Attends, on peut jamais rien dire. Ce mec, vas-y, dépêche-toi, elles sont pressées. Mais non, elles sont pas pressées. On prend le temps, c'est les vacances, bordel. On s'en fout, on est même plus sondé. Alors, du coup, Anne-Sophie a fait des petites galipettes à Ibiza. Et à un moment donné, patatras. Non, mais attends, tu donnes pas les détails. Elle est descendue dans une crique. En levrette, non, absolument. Et en descendant dans la crique avec un mec, non, avec un mec qui n'a pas fait gaffe, qui n'a rien à faire. C'est ça. Elle a glissé et son bras a ripé sur le rocher. Donc du coup, elle a une plaie superficielle. Elle est venue te la montrer. Ouais, c'est quand même démasqué avec un hématome. Ouais. Voilà. C'est bien, quoi. Sauf que le doc, il est pas du tout. C'est-à-dire que c'est le médecin, c'est-à-dire qu'il t'appuie sur le dos si elle a eu super mal. Je lui ai demandé si c'était avec un ours, quand même, parce que vu la nature de la plaie, la crise a été conséquente. En plus, je veux dire que c'était un vrai gentleman et que c'est faux. Il faisait beaucoup. Il a fait très très attention à moi, doc. C'est vrai. Ah bah écoute, il s'est pas. Ça, ça veut dire qu'elle a joui. Anso. Ça fait 70 euros. Ça marche. Tu connais les tarifs du doc. Et là, c'est un tarif d'amis. Je te d'accord. Le dis. Mais j'ai envie que cette discussion s'arrête, hein, par contre. Allez, on vous laisse, les filles. Bonne émission. Ciao, ciao. Demain. À demain. Salut. Hey, vous voulez rire et vous amuser? Non, mais ça, c'est beaucoup trop Disney Channel, en fait. On voyait plutôt un truc du genre bonhomme, quoi. Genre Gladiator. D'accord. Au 21e siècle après Jésus-Christ, Marion et Anso. Non, toujours pas, non. Essaye un truc plus événementiel, cérémonie, quoi. Genre les Oscars, un peu. Ok, ça marche, je peux le faire. Ladies and gentlemen, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit... Non, mais là, on n'y est pas du tout, là, c'est naze. Fais-nous un truc du style, du dimanche au jeudi, 22h minuit. Enfin, tu vois, quoi, avec un ton qui nous ressemble. Ah ouais, d'accord, ok. De tous les soirs, 22h minuit. Ah mais voilà, mais c'est totalement toi, Marion. Mais bravo, monsieur la voix off, je suis super contente. Non. La barbe, hein. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the night show. Marion et Anso, le night show sur Fun Radio, blablabla. Je ne supporte plus cette intro. Bonsoir tout le monde, c'est Marion et Anso, yes. Il est 22h02, on est en direct. Allez. C'est le night show, on est lundi soir et ça y est, c'est la dernière semaine. Oh. Ouais, je sais pas si vous réalisez, mais il reste 4 émissions, après c'est la fin. On sait pas encore si on sera là pour une saison 2. Vous voulez pas qu'on appelle le boss pour lui demander? Bah pour l'instant c'est pas le moment. Il mais on va s'en occuper. De toute façon on vous dira au plus tard jeudi si on revient ou pas l'année prochaine. Mais c'est on vous suspense. Et on vous dira jeudi même. Mais en tout cas en attendant on profite. On fait de la radio ensemble, on s'éclate. On reçoit de l'invité puisque demain ce sera Kinvé qui sera avec nous. Et ça c'est lourd, on kiffe le Kinvé avec son nouveau titre. Je l'adore. Avec Glory. Si tu me laisses la première place, baby. Il est bon hein. Ah ouais. Comment ça va Manso? Bah ça va bien, en fait je vous dis, avec Marion parfois on se donne des paris à la con avant de démarrer l'émission. Oui. Et là on a parié sur nos prochains adversaires à l'Euro 2016, parce que ça se jouera entre l'Angleterre et l'Islande. Oui. Moi en début de match j'ai dit que l'Islande allait gagner. Donc là je suis contente parce que l'Islande mène 2-1 contre l'Angleterre. Oui mais c'est pas perdu pour moi parce que moi j'ai parié sur l'Angleterre. Ils peuvent encore égaliser voire gagner. Et alors on n'a pas établi un gage, mais Max notre auteur proposait quelque chose. Ouais. Tu me dis si ça te va. La perdante devra appeler quelque part au hasard en France et ambiancer l'interlocuteur à base de lo. Ah genre ouais. faut le mettre à fond. Et bah évidemment s'afficher quoi. Ah, tu veux dire tout ce qui est classe, glamour et féminin quoi. Bah tout ce qui est nous quoi. C'est ça, d'accord, okay. Ça te va? Ouais ça me va bien. Bon allez les Anglais, on y va là parce que j'ai pas envie de faire ça. Hein. Du coup, il reste combien de temps là? Il reste 45 minutes. Ouais, à peu près, ouais. Ah, on est sur la deuxième mi-temps, quoi. Sale histoire. Bon, en tout cas, ce soir dans Night Show, vous allez pouvoir gagner votre overboard et ce sera comme ça durant toute la semaine. Oui. Pour vous inscrire à Marion et Anne-Soir@funradio.fr. Et puis, on va parler de vos objectifs sexuels aussi dans Night Show ce soir. Ouais. Ah, alors, vos objectifs sexuels de l'été. Exactement. Et pourquoi on va parler de ça, Anso? Qui nous a inspiré ce sujet formidable? Eh ben, c'est toi. Mais c'est moi, parce que j'ai la chance de faire un voyage que j'ai jamais fait cet été. Je vais partir aux États-Unis à Los Angeles. Oui. Et avec mes copines qui sont toutes célibataires, on est trois, on a décidé d'essayer de se taper un Américain. Voilà, c'est ton objectif, c'est ton goal, quoi. Voilà, mais je me dis qu'un roulage de pelle, ça peut marcher, tu vois. On est d'accord, tu nous diras, tu feras des snaps et tout. Voilà, mais je veux du vrai Américain, genre un Chase ou un c'est quoi, un nom, un prénom. Un Brandon. Ouais, Brandon, c'est un peu facile, quoi. Bah, quoi un alors Chase, il n'y en a pas en France. Non, c'est vrai. Mais tu vois, Bah, bon courage pour te taper chose, un chase, quoi. Voilà. Bon, pour le son, on va s'écouter Cachemire et ça, on aime. Ouais. Et il y aura aussi une nouveauté. Écoute, ça s'appelle Sound of Legend. Et franchement, ça pue le tube, ce dos. Attends, tu veux dire le son de la légende? Tout à fait. C'est beaucoup moins bien en français. Hein. Ouais. C'est moins classe, quoi. C'est vachement bien, ce truc. J'adore. Ce sera tout à l'heure dans le Night Show. Il y a aussi du Guetta qui déboule. Il y a plein de trucs. Restez là parce que grosse émission ce soir, je la sens bien. Amir des réseaux sociaux, bonsoir. Oh, oh, oh, oh. Salut les filles, comment ça va? Et t'es pour qui toi, l'Angleterre ou l'Islande? T'es team Marion ou team Anso? Alors moi j'ai envie de voir France-Islande, donc du coup Islande. Et voilà. D'accord, team Anso. Ouais. Mais moi aussi, parce qu'on est d'accord qu'on a beaucoup plus de chances de gagner contre l'Islande que contre l'Angleterre. Bah non, s'ils battent l'Angleterre, c'est que c'est une très bonne équipe, en douille. Tu vas te calmer, hein, ta tête là. Bon Amir, raconte-nous, bonne journée. Ouais, j'ai passé une bonne journée. Et vous savez quoi? J'ai reçu un mail. Ouais. Suite à la vidéo du mix. À la vidéo du la, mix. La vidéo. Enfin, le podcast, pardon. Le podcast qui a été écouté. Ouais. Du mix. Et j'ai reçu un mail d'un gars. Ah, il faut resituer. Hier, j'ai eu un défi avec Amir. On devait faire le DJ et le MC DJ. Oui. Une version un peu fête foraine. Et donc, c'est quoi ce mail? Eh ben, la personne me dit qu'elle a trouvé sympa le concept. Mais et quel tout. Mytho. Et que du mais coup, nous mytho. Propose. Mais je peux finir les phrases ou pas? Vas-y, vas-y. Et du coup, me propose quelques dates cet été. Non, mais cette personne est sourde, hein, c'est pas possible. Ah, hein. Mais c'est pas une blague, j'ai des captures d'écran. C'était le pire mix que t'aies pu faire. Bah, mec, poste-les les captures d'écran, vas-y. Ok. Mais tu sais très bien qu'il est capable d'en faker. Ouais. Bah, viens, regardez comme ça, c'est facile à faire. Ouais, mais j'ai pas que ça à faire dans ma vie déjà. D'accord. Et le mec me propose de venir mixer là-bas. Alors, grâce au mix, la danse du canard, la danse des canards et tout ça. Hein. Alors, tu as 10 secondes pour le poster maintenant, ta capture d'écran. Ok, bah, donne-moi juste 10 secondes pour me connecter, tout ça. C'est ouais. Ça, ouais, ça. Bon, et en tout cas, rejoignez-nous là, Marion et Anso, partout, le Twitter, le Facebook, le Snap, enfin la totale, les chaînes YouTube. Oui, ouais, surtout sur la chaîne YouTube, il faut arriver à 100 000 abonnés avant la fin de saison, c'est-à-dire avant jeudi. Nous sommes plus de 95 000. Il manque 5 000 personnes. Allez, c'est facile. Mais oui. Ça va, il y a plus de 5 000 personnes qui sont abonnées à YouTube et qui nous écoutent en France. Bien sûr. Merci. Ah bah qui dit, hein. Manuel Aria, bonsoir. Bonsoir les filles. Il va bien celui-là? Ouais, ça va complètement. Team Anso, on d'accord. Suit l'Islande. Donc, quoi. Personne ouais, ne l'Islande, me suit mec. Ce soir. Attends, mais pourquoi? Attends, mais les gens normaux disent pas l'Islande? Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit l'Islande. L'Islande. Ouais, mais c'est pareil, c'est la même chose. Et alors pourquoi? Bah parce que les Angleterres. Bah d'accord. Il n'arrive pas ce soir, hein? Ça va bien se passer, on remet les mots dans l'ordre. Non, mais tout les va Anglais sont étaient partis gagnants. Et du coup, l'Islande, ils vont s'épuiser et on pourra. Ils vont plus s'épuiser, facilement. Oui, oui. D'accord. Enzo, mec, c'est chelou qu'il parle comme ça. Ouais. Manon, je propose un truc, on te sort de là. Voilà. Enzo du Standard, bonsoir. Bonsoir les filles. Ça va, alors lui, il est content parce que l'Italie a gagné, forcément. Ouais. Forza Italia, Forza Azzurri. Il a mis son maillot, il est à fond, voilà. Hein. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots en italien, genre, je sais pas, un truc. Buonasera a tutti, mi chiamo Enzo. Va bene, no? Voilà, c'est tout. Ah, c'est bon. Eh, c'était pas mal, hein? Poterini. D'accord. Parmigiano. D'accord, c'est pas cliché. Peperoni. C'est bon, Enzo. Voilà, c'est tout. Bon, ce soir, on n'a pas d'auditeur pour le bonsoir parce qu'on avait envie de se faire un petit kiff. C'est l'anniversaire d'un des artistes qu'on adore dans le Night Show. C'est Willy William. Ouais. Et on avait envie de l'appeler en direct. Alors, on ne sait pas si ça va décrocher. On a son petit number parce qu'on connaît un petit peu la personne. Donc, on va le tenter. On l'appelle. Décrochera-t-il? Décrochera-t-il pas? Ce serait cool, hein. Dès qu'il décroche, on chante? Ah oui. Qu'est-ce okay. qu'on chante? Bah, t'es con. Ça pue l'échec, cette histoire. Ouais. Ouais. Bon, il laissera un message sur son répondeur, comme ça, il pourra l'écouter à ma volonté. Ouais. Ah ouais, j'aimerais bien savoir c'est quoi son répondeur. Messagerie Orange. Ah, bah en plus, c'est la personne que vous essayez ah ouais. de joindre. Non, c'est bon. Bon, on le rappelle ou pas? Bah, on lui laisse un message, peut-être, non? Bah, allez. Ouais, on va laisser un petit message. Bah, c'est sûr, faut qu'on le rappelle, là, parce que tout le monde a raccroché. Sacré alors, Willy. On chante version Joyeux anniversaire en français, Happy Birthday to You, ou on laisse Enzo chanter en italien? On le laisse chanter en italien. Tu sais faire en italien ou pas? Je vais regarder ça tout de suite. Hein. Cumpleaños. Ah non, c'est en espagnol. C'est espagnol ça. Oh, c'est un peu pareil. Il y a des os, des as. Tutti. Donc là, par SMS, il me disait ok, pas de galère. Il répond pas au numéro privé, Willy. Vas-y, allô, messagerie Orange. Bon, on laisse un message. La personne que vous essayez message. De joindre n'est pas disponible. Allez, il va pas y avoir le numéro. Non, ok. Vas-y, Enzo. Tantagoriate. Tantagoriate. Tantagoriate.